Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour et bienvenue à une édition spéciale Guide de l'utilisateur d'assemblage requis. Je m'appelle Mathieu Plante et je suis l'animateur et le producteur exécutif d'assemblage requis. Cette année, comme à chaque année, nos chroniqueurs nous ont présenté des chroniques sur plein de sujets fabuleux et nous profitons des vacances des fêtes pour vous présenter quatre émissions thématiques. Phénomène, Girl Power, C'est un fait et un ragoût de chronique. Le thème d'aujourd'hui, Girl Power. Cette année, notre émission est particulièrement gâtée par la présence de chroniqueuses féminines. On peut penser à Stéphanie Gagné avec ton plat favori, Myriam Fugère avec sa chronique aléatoire, Jasmine Raymond-Drainville avec sa chronique linguistique, Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique littéraire et Justine Renaud avec les tartines de Justine. Nous vous présenterons plusieurs de ces chroniques aujourd'hui, alors que des chroniqueuses filles accompagnées de deux gars qui leur rendent la vie difficile par leurs commentaires déplacés. Mais ça, c'est surtout François-Olivier. Hein? Bonne émission! Non, tu comprends pas. Stéphanie, comprends bonjour. Pas. Bonjour, les garçons. Bonjour, bonjour. Ça vous va? Allez bien, madame? Bien, vous? Oui, très bien, merci. Steph, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Tu as deux pièces à nous faire entendre. Je sais que tu as bien des choses à tricoter autour de ça. Oui, pour commencer, il y a le groupe The Like. C'est une de mes amies qui m'a fait écouter ça cette semaine. C'est pas bon, ça? Oui, c'est super bon. C'est un groupe de filles pour les filles. C'est comme du rock années 60. Ça ressemble un peu à l'équivalent des Beatles au féminin, mais un petit peu plus rapide, avec un petit peu plus moderne aussi. C'est très vintage, j'aime vraiment ça. Juste le look des filles, on dirait vraiment qu'ils sont sortis des années 60. C'est vraiment beau comment ils s'habillent, comment ils s'arrangent. Et avec les vidéoclips aussi en noir et blanc, c'est super beau. C'est un groupe qui s'est formé en 2001, mais qui, malheureusement, ils font plus rien depuis cette année. Au mois de mars, ils ont décidé de prendre une pause d'une durée indéterminée. Alors, on ne sait pas si le groupe va faire quelque chose dans le futur. Fait qu'il faut se contenter des deux albums qui ont sorti. Are You Thinking What I'm Thinking et Release Me, qui est un album produit par Mark Ronson. Alors, vraiment bon, je connaissais pas du tout. J'avais jamais entendu parler. Ça vient d'où, ça? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je pense que c'est américain. OK. Et puis, rappelle-nous le titre. The Like. The Like? Oui. The-T-H-E-L-I-K-E. Ouais, ça dit que c'est un groupe de Los Angeles en Californie, si je comprends bien. Voilà. J'étais pas si pire. Pas si pire. T'es tout le temps pas si pire. Ouais, c'est ça, t'es tout le temps pas si pire. François! Ah, oh, c'est pas vrai, Steph, crime. Viens donc nous voir en studio où on s'ennuie un peu de toi. Ouais, fais de la route un peu. Clin d'œil, clin d'œil. Ben, j'aimerais bien ça aller vous voir en studio, mais l'affaire, c'est que les seules fois que je descends pour voir, c'est la fin de semaine ou pendant les fêtes, hey, quand vous aurez plus d'émission. C'est pratique pour toi, en tout cas. Hein? C'est comme si t'es arrangé. Mais oui, c'est très stratégique. En fait, peut-être la semaine de relâche au mois de mars. Oh, mais tu sais, c'est pas grave si ça donne pas. Dans le fond, il t'a suggéré en espérant que tu puisses pas. Oh là là. Ah, c'est pas vrai. C'est un méchant, lui. Hein? Hey, arrête donc. C'est un méchant. Tu sais que c'est pas vrai en plus. Il y a une moustache de menteur, fait qu'il est méchant. Oh. Je suis du bord des menteurs. Ouais. Bon. C'est pas vrai. Bon, ben, à la place de recevoir des méchancetés de François... C'est pas des méchancetés, arrête donc. Je vais parler de l'autre groupe que je voulais parler, c'est le groupe The Limousines. Ça a drôlement commencé comment je les ai connus. J'étais chez un disquaire, puis j'ai décidé de juste regarder les pochettes. Puis là, la pochette m'a interpellée, puis là, je me suis dit, je vais écouter ça. Puis finalement, ça a vraiment été un coup de cœur. La pochette est assez étrange, c'est un gars qui fait une bulle de bave avec sa bouche. Une bulle de bave, hein? Oui, ah, oui, mais je sais pas, ça, je trouve ça intéressant, fait que j'ai décidé d'écouter l'album, puis c'est vraiment bon, c'est électro, pop, un groupe de San Francisco. Il y a quelques chansons qui sont vraiment très, très pop, comme le single Internet Kills de Video Star, évidemment un petit peu d'inspiration de Video Kill de Radio Star qui est sorti dans les années 80. Oui. Mais quand même, vraiment, vraiment bon comme groupe. J'ai vraiment accroché première écoute, puis j'arrête plus d'écouter cet album-là depuis à peu près 2-3 semaines. Les c'est Limousines? Vraiment super bon. Les Limousines, oui. Ben oui. Le groupe The Limousines. Et l'album, c'est Get Sharp. Il est sorti l'année passée. Parfait. François, tu es en train de faire des bulles de bave avec sa bouche. Si tu veux, on peut poster la photo si ça peut t'intéresser. Je sais que c'est quelque chose qui t'attire. Donc Non, ça va aller. Je pense que c'était un one-hit wonder. Ah. Mais moi, tu parles de pochette qui des fois t'attire. Je peux comprendre le principe parce que moi, je me dis, si un groupe s'attend à faire une pochette de qualité, tu peux t'attendre à ce que peut-être qu'ils fassent de la musique de qualité aussi. Ça peut aller ensemble, oui, pas nécessairement, mais ça peut l'être. Ça peut l'être, mais attention aux détails. Oui, mais faut pas que tu t'arrêtes à ça. Tu sais, ici, on reçoit des démos dans des boîtes de carton. Valais pariétaire avec une feuille écartable quasiment. On n'aurait jamais écouté si ça n'avait pas été. C'est ça. Il faut pas se fier juste à ça. Mais allez voir la pochette de The Limousine. Vous allez voir, c'est pas juste la bulle de base, c'est qu'il y a des couleurs. J'aime vraiment ça. C'est cool. Je pense aussi, il y a des couleurs. Moi, j'ai tapé Limousine là-dessus, puis je vois juste. Des limousines. Ouais, des grosses limousines. Get Sharp est le nom de l'album français. Oui, c'est ça. Non, mais c'est quand même cool les images que j'ai réussi à trouver. C'est cool les limousines. Moi, j'aime ça les limousines. Ouais, il y en a des grandes dans ta barouette. Bon. Tu peux même en louer, je pense. Ah, oh, ouais. Hey, c'est ça tes crédités, François? Ambiance Limousine Montréal. Wow! C'est fantastique. AmbianceLimousine.com. Bon, ça connaît qu'à Steph, hein, fait qu'on va la laisser finir. Ah, vas-y, Steph. Non, c'est correct, j'avais fini. Une chance que je suis là, hein, Steph? Une chance. Oui, ça a été long. Il y a eu comme une hésitation au début de la phrase, je trouve. Mais c'est comme j'ai pas le choix. Il y avait aucune hésitation. Elle est fantastique. Fait que si tu descends avec ta limousine, tu me diras, on ira faire un tour. Je vais te montrer de ma bave. Malade. Ouais. Donc, on va entendre The Like avec He's Not a Boy. Oui. Et puis The Limousine avec Wildfire. C'est pas un garçon. Allez voir le vidéoclip aussi de He's Not a Boy, c'est super bon. Parfait, on va écouter ça. Et après ça, tu vas être bien contente de pouvoir entendre plus tard, quand tu auras l'occasion, nos crudités de François-Olivier et le dessert délicieux de Mathieu Plante. Oui. Hein? Ça va être bon, ça? Ça va être bon? Ouais. Fait que merci, Steph. Ça peut pas être pire. Hein? Hey, franchement. Pas vrai. Cheap shot. Mais si tu veux que je le frappe à quelque part, je sais pas si t'avais l'habitude de le frapper à quelque part, je peux. Enlève-toi cette image-là de dans la tête, Mathieu Plante. T'aimerais trop ça? T'aimerais ça? Non. Hey, depuis que t'as parlé de condom tantôt, là. Oh. Un peu. J'ai fait un fait, Stéphanie, sur les condoms Magnum qui sont pas tellement plus grands que les condoms normaux, c'est juste du marketing. Et tu savais ça? Ok. T'as fait un test? C'est un article que j'ai lu, là. Non, mais on a découvert une facette de Mathieu. Moi, j'en aurais pas parlé parce que je veux pas rendre le monde jaloux. Je comprends que si t'écoutes ça à la radio, tu fais comme là, Mathieu Plante se pense meilleur que le monde parce que tu parles de sa grosse. Non. On parlait de ta rapidité. Ah, ouais, aussi. Oh mon Dieu, je pensais jamais parler de toi en onde. Hey, ça coupe. Faut qu'on te laisse. Problème de. Connexion de. Si Steph. Bye. Bye, bonne semaine. Salut. On écoute The Like avec He's Not a Boy au 89.fm. C'est fou. Non, vos oreilles. Ta face. Qu'est-ce que t'as dans l'oreille? C'est un magnum? C'est pas un canon. He's not a boy, but you can change your shit if you want to. He's not a boy, but you can tame, don't let it taunt you. Don't even try to run away, he wouldn't stop you. He's not a boy, but you can shame, I know you want to. You can wait all night, you can wait all day, but he's not a boy, but you can change. We were up all night, talking trash and wasting time. When he says you're beautiful, it's not a lie. But in the morning you might find that he might have changed his mind. He can only fall in love for just one night. He's not a boy that you can change, nor should you want to. He's not a boy that you can tame, don't let it taunt you. Don't even try to run away, he wouldn't stop you. He's not a boy, but you can shame, I know you want to. You can wait all night, you can wait all day, but he's not a boy, but you can change. Even when he lies, he means every word he says. His delusions find their way inside your head. And he knows that beauty lies, but he likes it by his side. Just to take it for a ride, to the mystery dies. You may say, why don't you realize I should you want to? He's not a boy, but you can tame. Don't let it taunt you. Don't even try to run away, he wouldn't stop you. He's not a boy, but you can chain. I know you want to. And you can wait all night, you can wait all day, but he's not a boy, but you can change. He's not a boy that you can save. He's not a boy that you can change.

Donc voilà. Une croustille. Fait que si vous m'avez bien écouté, vous devriez être capable. Vous devriez être capable de commander quelque chose correctement. Merci. Sans que je parle de vous. C'est ça, dans une chronique, là. Mais, moi, j'adore ça. Tu peux parler de nous pour d'autres choses. Tu sais, parce qu'on a d'autres qualités. Ouais. Ah. Hein? OK, je vais les découvrir peut-être. On parle mal, mais on a d'autres choses. C'est ça. Peut-être des ouais. Bon, on sourit. Comment t'appelles ça, le mot, là? C'est le mot, là? Hot deuil. Hot deuil. Hot deuil. Ambigueur. On a un bon hot deuil. On a un bon ambigueur. Non, j'ai essayé de faire un jeu. Attends un peu, là. C'était quoi ton jeu de mots, là? Que t'avais, là? Je n'avais pas. Non? Interprété. Lui. Inter. Romantique. Romantique. Des fois, ça me dérange pas qu'on soit comme serré dans le temps et qu'on soit obligé d'arrêter ça, là. Hein? On n'est pas si serré que ça. On n'est pas si serré. Je l'ai pas encore... Changé d'or? Retourne. C'est pas... T'as pas de montre gigantesque? Retourne le monde! T'as pas de monstre gigantesque sur ton... Faut jamais mettre de monstre. Hein? Moi, je suis plus intéressé par Jasmine. Jasmine, ça va bien? C'est bien bizarre. Ben oui. Ouais, parce qu'on peut les laisser parler, eux autres, puis nous autres, on parle, on met nos micros plus fort, on baisse les lèvres. Mais là, il y a lui qui me dérange. J'aime pas ça juste le voir. T'aimerais ça un mur dans le milieu? Ah, ouais, ça commence vraiment mal. Hein? Juste pas le voir. J'ai rien fait, je lui dis hot dog. C'est la moustache, hein, qui. Hot dog. La moustache, elle m'a bien. Mais regardez, j'ai un gilet de moustache ce matin. Hey, c'est un Mickey qui a une moustache. J'ai un Mickey Mouse moustachu. Mais oui. Puis tout le monde sait que j'ai ça, les moustaches. Mais c'est Mickey Mouse. Non, je l'aime. Ouais. Ben quand même là. Ouais. C'est mon t-shirt, c'est sûr je l'aime. T'as mis mini, non? Ben pas non. Est-ce que c'est pour le Movember ou? C'est pour oui, mais c'est parce que dans le fond ce soir on a le rallye des associations étudiantes. C'est quoi ça? C'est un rallye. Okay. Avec des gens d'associations étudiantes. C'est dans le Pierre Boucher, dans le fond on va se promener d'un local à l'autre, on va faire des activités, puis la thématique c'est les moustaches de l'histoire. Mais là fait que j'ai comme mis ça, mais je vais me trouver une autre moustache dans la journée là. Mais est-ce que tu te l'es procuré pour l'occasion? Je pense que oui. Oui, je mais pense. Pas sûr. Non, mais elle aurait pu l'avoir avant. T'aurais pu. Non? Ah oh non, il est nouveau quand même, là. Ok, tu as acheté cette semaine. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as coûté cher? Il est abordable, il y avait-tu? 18$, pas si pire quand même. Sans le fond de Winners. C'est pas la sandwich, au moins. Chacun son nom. Je dis ça comme ça. Dans ta face. Ouais. Boum, dans ma moustache. T'en as même pas. J'ai bien aimé. J'adore le boum. Finalement, on manquait pas de temps, mais là. Prends une photo, Mathieu. Oui. Moustache handicapé. Wow, Colin, excuse-toi tout de suite. Je m'excuse. Mais non, mais c'est Myriam. Myriam, réexcuse-toi pour ton affaire sur les Asiatiques qui ne peuvent pas être robustes. Voyons, c'est Myriam. Ouais, je m'excuse encore. Elle, la chienne va pas lier. Ça m'est sorti tout seul. Ça t'arrive souvent que des choses sortent comme ça? Mais bon, on se met le pied dans la bouche aujourd'hui. Oh, ouais, vraiment. Est-ce qu'on peut dire ça en français? Je sais pas si. Oui, mais c'est. Ouh, elle s'est mis la main dans la bouche, mais c'est frappé dedans. C'est une vraie expression, je pense. Ouais, quoi ça? Le pied dans la bouche? Foot and mouth, en anglais. Moi, je le dis en français. Ben, je te comprends. Le pied dans la bouche. Cinq du nez. Ouais, c'est vrai? Non. Oh, je suis cute! Je sais que tu l'aimes pas. J'y pense jamais les enlever tes clochettes. C'est correct. Ouais. J'aime ce qui suit après les clochettes. Ah! La petite musique, là. C'est ça. C'est apaisé. Oui, c'est très apaisant. Ben, ça fit bien avec de la lecture, je trouve. Ouais, parce que la lecture, tu veux pas du gros... Tout. Okay, ça déconcentre. C'est ça, déconcentré. Comme quand je viens de le faire là, t'étais super déconcentré, tu pouvais juste écouter ça. Ouais. Donc, tu nous parles d'un livre aujourd'hui, j'imagine, j'ose espérer. Oui, Zadig de l'auteur Voltaire. Donc, aujourd'hui, on trempe dans le 18e siècle. Ah, d'accord. Voilà. Et des lettres qu'on utilise peu fréquemment, comme un Z et un V. Oui. Il n'y a pas de V, mais ça va. Ah, Voltaire. Ben, V pour Voltaire. Hey, essaye pas de m'entarger, toi, là. Donc, aujourd'hui, c'est Zadig de Voltaire qui a été publié pour la première fois en 1748 en France, évidemment. Donc, Voltaire, qui est un érudit, un auteur qui a publié des tragédies, qui a publié également des contes philosophiques, donc un conte philosophique comme Candide, que beaucoup de gens ont lu. En fait, c'est une des œuvres les plus connues de Voltaire. Il a également publié Zadig, bon, dont on va parler aujourd'hui. Il va s'en dire. Il a également participé à une grande encyclopédie du 18e siècle. Il a été exilé à maintes reprises de Paris et envoyé à la campagne parce que, bon, il s'opposait à la religion, il s'opposait à plusieurs choses et c'est un peu controversé. Donc, ils ont dit, allez. Il a envoyé à la campagne? Ben, à la campagne de Paris. Il n'y a même pas donc, Internet dans la campagne. C'était pas très loin de Paris, mais à l'époque, être exilé et être envoyé à la campagne hors de la cour hors de la société, c'était une assez lourde punition. Donc, c'est ça qui est arrivé pour Voltaire. Maintenant, pour ce qui est de Zadig, c'est un conte oriental philosophique. Donc, pour vous dire un peu de quoi ça a l'air, le livre, c'est à peu près une centaine de pages. C'est séparé en courtes parties, donc de 3-4 pages, et qui sont en elles-mêmes des courtes histoires. Ah, ça doit très bien se lire. Ça se lit très bien, c'est super léger, c'est ludique, c'est agréable. Et, bon, Zadig, c'est un jeune homme de Babylone qui est tout plein de qualités. Donc, un bon jeune homme, intelligent, perspicace. Comme François, hein? Merci. À qui il arrive plusieurs anecdotes, aventures, péripéties qui retardent sa quête du bonheur. Donc, c'est une quête initiatique du bonheur. Et ça se voit retardé par toutes sortes d'aventures plus incroyables les unes que les autres. Et donc, c'est un peu un apprentissage à travers tout ça. Un apprentissage de comment arriver justement au bonheur. Et tout en questionnant le rôle de la providence, donc le rôle de Dieu. Et le rôle du hasard dans l'accomplissement de sa destinée. OK? Ça se résume un peu à ça. OK. Mais c'est... oui, ça paraît un peu drôle comme ça, mais c'est... oui, au début, il faut s'habituer au type d'écriture, parce que bon, c'est pas un type d'écriture qu'on lit tous les jours dans n'importe quel roman. Mm-hmm. Mais vous allez voir, tantôt, je vais vous en lire des extraits. On s'habitue et ça devient facile de compréhension. Donc, je vais y aller en 4 parties pour vous démontrer un peu ce que contient ce livre-là. Bon, premièrement, tantôt, je vous ai dit que c'était un conte oriental. Et l'orientalisme, bon, l'utilisation, par exemple, de l'Égypte, de l'Inde, la référence à ça, c'était beaucoup utilisé au 18e siècle. Souvent, par exemple, Voltaire, ça a été également utilisé par Montesquieu dans des lettres persanes. C'est le titre de l'ouvrage. Et ça permettait aux auteurs de ne pas se faire punir. Parce que... souvent dans ces ouvrages-là, c'est que les auteurs se positionnent par rapport à par rapport à la société, par rapport à l'État, par rapport à la religion, et pour critiquer leur propre société sans le dire directement. Parce que s'ils le disent directement, souvent ils sont punis. Mmh. Donc c'est un moyen détourné. Donc par exemple prendre Zadig qui vient de Babylone, qui s'en va en Égypte, qui s'en va en Inde et qui critique ces sociétés-là. Mais en fait, ce n'est pas ces sociétés-là qui critiquent, c'est sa propre société, donc Paris et la France. Donc, c'est comme un moyen détourné pour critiquer, comme je l'ai dit, sans se faire taper sur les doigts. Ça, il y avait le droit. Ben, en fait, ce n'était pas dit directement. Tu ne peux pas te faire, condamner pour quelque chose que tu n'as pas dit. C'est comme caché derrière tout ça. Et j'imagine que c'est... Oui, il y en avait qui devaient comprendre, mais en même temps, c'est genre pas c'est le chapeau de fée, tu sais, comme ouais, on dit. Oui, c'est le chapeau de fée, mets-le. C'est ça. Donc, c'est un peu ça qu'il va chercher avec l'utilisation de l'orientalisme, qui était très utilisé à l'époque. Également, comme je l'ai dit, c'est un roman d'apprentissage. Donc, c'est un jeune babylonien qui est très intelligent, qui est très rationnel, ce qui est très typique de l'époque, parce que bon, le siècle des Lumières, qui est le 18e siècle, c'était beaucoup basé sur la science. Donc la science qui peut démontrer les choses, c'est pas seulement Dieu, c'est pas seulement la providence qui détermine les choses, c'est également la science. On peut arriver à des conclusions à partir de des faits très concrets. Et donc, on a droit à un personnage, Zadig, qui est un jeune homme tout à fait comme ça, qui est réfléchi, qui est rationnel, puis qui est admiré pour ça. Donc, les gens l'aiment du premier abord. Et il sait résoudre toutes les sortes de problèmes. Puis c'est ce qui est drôle dans le livre, parce que souvent, il se retrouve face à des situations où c'est un peu désespéré. Et lui, il arrive et il résout l'énigme, et où tout le monde l'applaudit. Mais même si tout le monde l'applaudit, il dit « Ah oui, ça y est, je vais m'élever, je commence à comprendre comment ça fonctionne. » Ben, le monde ne comprend jamais ce qu'il veut faire et il condamne pour toutes sortes de niaiseries. Je vais vous en montrer un exemple. C'est une des petites histoires dans laquelle Zadig se promène en forêt. Et à un moment donné, il rencontre un homme du roi qui est en panique. « Ah non, on a perdu la chienne du roi, l'avez-vous vue? » Il dit « Non, je ne l'ai pas vue, mais par exemple, je sais que c'est une épagnole qui est en train d'allaiter, pas très vieille et qui boite. » Donc là, il fait « Ah oui, savez-vous par où elle est allée? Elle doit être allée par à droite. » Donc, il la cherche et je crois qu'il le retrouve. Et 2-3 jours plus tard, Zadig se promène en forêt, il observe la nature et tout ce qui l'environne, il étudie la nature. Et encore les hommes du roi qui cherchent en panique le cheval de la reine. Et il dit, l'avez-vous vu? Il dit, non, je ne l'ai pas vu, sauf que je sais qu'il est environ de cette grandeur-là. Sa queue fait environ tant de longueur et je crois qu'il est allé par à gauche. Donc là, ils font, ben là, c'est parce qu'on ne les trouve pas. Et cet homme-là dit ne pas les avoir vus. Mais il sait son où, ou il sait comment, à quoi ils correspondent. Donc, il l'accuse d'avoir volé le chien et le cheval de la reine. Et bon, ils font un procès, ils condamnent. Mais à un moment donné, ils se rendent compte, ils retrouvent le chien et le cheval. Donc, ils disent, ouais, c'est parce que c'est pas lui. Mais là, comment vous avez fait pour savoir à quoi il ressemblait? Puis là, il se met à dire, ah, c'est parce que j'ai vu dans les arbres qu'à peu près à cette hauteur-là, il y avait des feuilles qui étaient tombées. Ouais. Donc, le cheval était de cette grandeur-là. Et le chien, j'ai su que c'est un jeune qui allaitait parce qu'on voyait des petites traces dans le sable. Donc, c'est vraiment... Okay. C'est très, très rationnel. Mm-hmm. Et ça, c'est présent partout, partout dans le livre. Et c'est ça. Zadig, il se questionne aussi sur pourquoi, même s'il accomplit des bonnes actions qui règlent les problèmes de tout le monde, pourquoi il est toujours... pourquoi il n'arrive pas au bonheur? Pourquoi il n'y arrive jamais? Et ça va entre autres avec la philosophie du livre, la philosophie que Voltaire met de l'avant et qui est, comme je l'ai dit tantôt, le rôle de la providence, en fait le questionnement du rôle de la providence et du hasard dans la destinée humaine. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il se questionne sur ce que Dieu peut, sur les vies des gens, sur le destin, et qu'il se rend compte que, en fait, la destinée, la providence, Dieu ne peut rien. Il faut soi-même... travailler sur soi puis faire en sorte qu'on arrive à la quête du bonheur. Okay, donc, c'est un peu la philosophie à travers l'œuvre. OK, donc lui, son argument, c'est pas est-ce que, ou sa question, c'est pas est-ce que Dieu existe, c'est est-ce que Dieu fait quelque chose pour nous aider dans la vie? Est-ce que Dieu mène notre destinée? Okay. Et il se rend compte qu'en fait, non, c'est que soi-même, chaque homme doit faire sa part pour arriver au bonheur. Donc, Dieu ne fait que regarder. Ça vaut la peine d'être bon. Okay, c'est ça qu'il veut dire. OK, je vois. Et ça, on peut le voir, j'ai une petite citation pour vous montrer un peu ce que je veux dire. Zadig dit « Tout ce que j'ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédiction et je n'ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l'infortune. » Donc, c'est très 18e. Donc, malgré ses belles actions, il arrive toujours des infortunes, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Ouais. Est-ce que c'est dur à lire? Ça paraît un peu difficile comme ça, mais je dirais les premiers chapitres, tu es un peu déstabilisé, ouais. OK, parce que c'est pas un langage courant. Mais à force de lire, tu t'habitues à cette écriture-là. Tu t'habitues au style et puis... Oui, absolument. Et c'est pas tellement difficile. Souvent, les professeurs du cégep font lire Voltaire à leurs élèves. Donc, si un étudiant de 19 ans peut le faire, on peut tous lire ce livre-là. Mais c'est vrai, là, c'est compréhensible par tout le monde. Mm. Même, je crois, au secondaire, ils font lire ça. Donc... c'est une petite habitude à prendre. OK. Et bon, je vais terminer par... j'ai dit que c'était un conte philosophique. Donc, qu'est-ce qui fait partie du conte dans cette œuvre-là? Mm-hmm. C'est un peu... la possibilité de la critique par l'humour, par l'ironie. Le côté ludique, le côté super léger. Parce que oui, le langage peut être un petit peu compliqué à apprivoiser. Mais en fait, le côté ludique, les petites aventures, ce qui est comique, ça vient... tout de suite annuler un peu la difficulté du langage. Et j'en avais un petit exemple. C'est à un moment donné, Zadig arrive à un endroit et il voit une femme qui se fait battre. Et il décide de l'aider et il tue son agresseur. Et là, la femme, ce qu'elle lui répond et qui est très, très drôle... Attendez, je vous sors ça tout de suite. La femme, après avoir été sauvée, elle lui répond... Pourquoi vous attendez, attendez. Je vais vous lire le passage, ça va être... en lui-même, ça dit tout. Zadig alors s'avança vers la dame et lui dit d'une voix soumise, « Il m'a forcé de le tuer. Je vous ai vengé. Vous êtes délivré de l'homme le plus violent que j'ai jamais vu. Que voulez-vous maintenant de moi, madame? » « Que tu meurs, scélérat, » lui répondit-elle. « Que tu meurs, tu as tué mon amant. Je voudrais pouvoir déchirer ton cœur. » Et il lui répond, « En vérité, madame, vous aviez là un étrange homme pour amant, lui répondit Zadig. Il vous battait toutes ses forces, il voulait m'arracher la vie parce que vous m'avez conjuré de vous secourir. Je voudrais qu'il me battît encore, reprit la dame en poussant des cris. Je le méritais bien, je lui avais donné de la jalousie. Donc, c'est tout des genres de type. Tu sais, Zadig, il veut le bien de la femme, il veut l'aider, elle lui a demandé, il fait,

qui sont assez comiques, là, comme vous avez pu le voir. Ouais. Là. Couper le nez pour le... Bon, quelle drôle de médecine, on s'entend. Donc, voilà, pour Zadig de Voltaire, je vous le conseille fortement. Oui, et les coins sont ronds sur ton livre. Oui, les coins sont ronds. Mais en fait, c'est la collection de Larousse. Les petits classiques, les coins sont toujours ronds. Est-ce que ça se lit mieux? Non, mais ça empêche de se pointer le livre dans l'œil. Ah, ça t'arrive souvent, ça. Ça doit être ça. T'arrives tout avec l'œil, vous soufflez, ça c'est à cause de ça. Restez avec nous, ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis revient tout de suite. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François-Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, Assemblage Requis. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis mettant en vedette nos chroniqueuses féminines. C'est les animaux de la jungle. Ils vont commencer à jouer de la batterie, toi. Je pense que t'as la meilleure intro. Ben ouais, mais. Hey, les intros sont toutes bonnes, OK? Bon. Non, elle est la meilleure. La mienne est encore meilleure que les autres. Il n'y a pas si longtemps, en fait, j'ai entendu dire dans un certain média quelconque, là. Pas assez fou, là. Que. Il me semble que non. Qu'il y a dans un certain État des États-Unis où c'était maintenant permis de lever la main sur sa femme. Ah, bon, une bonne affaire. Okay. Ben, t'es temps, hein? Et puis. Ah, c'est pas vrai. Non, je sais. Je dois dire que ça m'a frappé. Bon! Sans mauvais jeu de mots. Ah ben ouais, t'étais en feu ce matin. Hey, hey, t'as entendu dans un autre média, j'imagine que c'était ça la réaction. Ah! Dans la catégorie réaction exagérée, le gagnant est... Les grosses gueules. Mais c'est plein. Donc, en cherchant un peu, ben, j'ai réussi à aller vraiment au fond des choses. Et puis, en fait, il s'agit d'une abolition qui a toute politique. En fait, c'est parce qu'à l'origine, il y a une coupe budgétaire de 10% qui venait amoindrir le budget du comté de Topeka au Kansas. Donc, c'est une situation qui était récurrente puis commune dans plusieurs États du pays. Alors, comment on essaie de compenser les pertes de budget-là? Ben, c'est le procureur nous dit que la moitié des plaintes traitées par les tribunaux sont des cas de violence conjugale. Alors, mais non! Alors, on décide de les placer à la ville de Topeka. Donc, c'est la ville de Topeka qui devrait s'en occuper. Sauf donc, c'est pas plus légal. Non, c'est ça. Attends, ouais, ça s'arrête pas là. Ouais, parce que là, c'est la ville qui doit s'en occuper. Puis là, la ville dit que ça fonctionne pas parce que le maire dit qu'il est pas en mesure de traiter ces cas-là. Il y a pas assez de procureurs, pas assez de tribunaux, ni de personnel pour prendre en charge les victimes. Alors, la solution qui a été choisie, c'est de tout simplement décriminaliser les violences domestiques pour obliger le comté à reprendre sa responsabilité. Ça n'a pas fonctionné. À 7 voix contre 3, la loi a tout simplement été supprimée. Donc aujourd'hui, la seule peine qu'il y a en cas de violence conjugale, tu brosses ta femme, ça donne quoi? L'impunité. T'as pas de punition. Tant pis. C'est bon. Bien niaiseux. Par manque de budget. Oui, juste par manque de budget. C'est sont avancés. Hein? Ouais, ouais. Alors, comme j'aime m'inspirer de ce qui m'a marqué pendant la semaine pour faire ma chronique, ben j'ai le pas très original palmarès des lois bizarres. Oh, yeah. Donc, est-ce que je peux faire les numéros? Ben ok, je suis rendu au numéro 1. Vas-y. Numéro 1. Donc on commence fort avec le Liban où les hommes peuvent par la loi avoir des rapports sexuels avec des animaux du moment que les animaux sont de sexe féminin. Ah! Femelle. Un cochon, on n'a pas le droit d'une cochonne, on a le droit. Une cochonne, on a le droit. C'est toujours bien quelque chose. Myriam. Il est 8h25, là. Bonheur, là. Alors, avoir des rapports sexuels avec des animaux masculins est un délit puni de mort. Mais, exemple, les femmes, est-ce qu'ils ont le droit avec des animaux masculins? Non? Pense l'histoire ne le dit pas, non? De toute façon, un cheval, paraît-il que c'est assez dévastateur. Ah ben là, écoute, je sais pas de quoi tu veux parler. Là. Certains fermiers... Moi, je le sais. Non, pas de farce, il y a des fermiers qui sont morts parce que... En tout cas... Ah ouais. OK, numéro 2. À Hong Kong, une femme peut... Ça, c'est drôle. Peut tuer son mari adultère. La loi le lui consent, mais elle peut le faire seulement à main nue. Bon, vous êtes déçus, là, mais... Consolez-vous, parce qu'elle peut tuer la maîtresse de son mari de la façon qu'elle veut. Ah, ouais. Elle a le droit de tout utiliser. Au Japon, ça? À Hong Kong. À Hong Kong. Ouais. Donc en Chine. En Alabama, c'est illégal. Plus ça, je l'ai vu sur plusieurs sites. Okay? C'est genre la loi de l'heure. Ça, c'est numéro 3, là. Oh oui. Ah, ça, c'est vrai. Numéro 4. Non, c'est 3. 4. 3. Non, 3. C'est mieux. 3. En Alabama, c'est illégal de conduire un véhicule avec les yeux bandés. Merci. Et les pieds nus. Oui. Ben, écoute. Oui. Mais ici, je pense qu'on peut pas non plus qu'on drague les pinus. Tu sais, souvent, là, on se fait dire ça. Hey, il faut que tu mettes tes souliers, mets-toi une chemise. Non, c'est vrai, c'est vrai. On peut pas conduire en bédaine non plus, en bikini, pis tout ça. Ouais, mais pourquoi les pieds nus, là? C'est sale. Non, mais pieds nus. J'avoue, je l'ai déjà fait. C'est tes propres pieds dans ton propre auto. Les filles le font plus que les hommes. Ben, quand tes souliers te font mal, ben, ça m'est jamais arrivé, là, parce que moi, tu me verras pas avec des talons hauts, là. Personne va te voir avec les pieds nus pareil en tout. Non? Pas que je veux briller, tu sais. Ah! Et peut-être t'es en bas, toi, là, hein? T'es en bas. Ouais, j'ai enlevé mes bottes. J'aime pas ça. J'aime. C'est mieux où tes bottes? Quelque part, là. Ah, sont en arrière de moi. Sont-tu grosses, tes bottes? Ben non. Que ça like big pas pas pas des gros pieds. Numéro 4. S'il vous plaît. Oui. Bon, à Virginia Beach, en Virginie et au Texas, si vous êtes en état d'ébriété en tant que passager et que le conducteur l'est aussi, vous serez tous les deux condamnés. C'est pas pire, là, parce que si t'es assez fou pour faire conduire ton ami... Non, mais c'est lui qui est assez fou pour conduire. En tout cas, on pourrait... Ouais, je sais, là, c'est probablement ça qui est bizarre dans la loi. Si vous avez été arrêté en état d'ébriété au New Jersey, vous ne pourrez plus faire de demande de plaque d'immatriculation personnalisée. Ah! Ah, tu peux plus avoir ta plaque avec ton nom dessus. Sur ta plaque. À l'Ontario, tu peux aussi, hein? Ça coûte 5 $. Ah, ben. Ouais, mais probablement que tu peux ici aussi. Ah, je sais pas. Sauf qu'en fait, ici, là, c'est seulement si tu as été arrêté en état d'ébriété que tu peux pas. Attention! Mambo number 5! En Californie, aucun véhicule sans conducteur ne peut dépasser la vitesse de 96 km/h. En Californie, ils font beaucoup de tests, je pense, pour les voitures sans... Ah, ça doit être ça. Peut-être pour ça. J'imagine. Il y a tout le temps une raison. Là. Des fois, c'est un petit peu archaïque là, comme raison, attention, le mot du jour, archaïque. Ah, bravo. Bien que certains aiment... C'est numéro 6. Bien que certains aiment s'adonner à des jeux intimes dans une voiture, une loi du Massachusetts interdit... aux chauffeurs de taxi de prendre du plaisir au volant quand ils sont en devoir. C'est poche. Et puis cependant, si vous êtes à Milford, au Massachusetts, vous pouvez vous lâcher lousse parce que personne n'a le droit de rapporter ce qui se passe dans une voiture. T'as pas le droit de regarder à l'intérieur d'une voiture. Ah non! T'as pas le droit de fouiner. Arrête donc. Hein? Et c'est bon pour la police aussi, non? Ah, je sais pas. Non, c'est souvent au volet. Ouais, c'est ça, exact. Mm. Ouais. Les vitres sont pas teintées quand même. Si tu le vois des fois, des affaires comme ça, évidemment, la police le voit. Non. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. On aime ça, ton numéro 6. Ouais. Donc. Numéro 7! On connaît tous les dangers de composer des messages textes en conduisant. Ben oui, danger texto. K.K.C.A.C.A. Mais nous pensons. C'est ça? Non? Non, c'est ta pub, ça. Mais on pensait en fait. Chut. Allez, à la publicité. T'es pressé, vas-y. Oui, là, je suis pressé. Bon, donc, on pensait que le danger d'utiliser des armes à feu, en fait, au volant, c'était évident. Mais en Californie, il est interdit de tirer du gibier depuis un véhicule en mouvement, à moins que la cible soit une baleine. À Wichita, au Kansas, les conducteurs doivent sortir de leur véhicule et tirer 3 coups de feu en l'air avant de traverser l'intersection de Douglas et Broadway. Pour avertir? Ouais. OK. Attention, je traverse. Pou, pou, pou. Bizarre. Il y en a encore, numéro 8. Ah oui, il m'en reste. Il est illégal de mourir dans les locaux du Parlement britannique. OK. Sinon, suspend d'amende. Ouais, watch out. Faut faire attention. Ouais, hein? C'est ça. Faut vraiment... soyez vigilants. Numéro 9. J'y vais rapidement, là, avec santé numéro. Bon, au Royaume-Uni, une femme enceinte peut légalement soulager sa vessie où elle veut, et même dans le casque d'un policier si elle en fait la demande. Il faut qu'elle demande avant, mais il n'y a pas le choix, il faut qu'il accepte. Garde-toi à grande. Vas-y. Hey. Au Royaume-Uni, un homme qui se trouve obligé d'uriner en public ne peut le faire qu'à condition de viser sa roue de voiture et de garder sa main droite sur son véhicule. Pourquoi la main? Voyons donc. Wow. Ça, c'est comme quand tu joues aux poules, faut que tu gardes un pied à terre si tu veux aller chercher une boule. Ah ouais. Eh ben, ça, c'est vrai. Ben. Tu m'en rappelles. Ça, c'est une loi. Ah ouais, moi, je suis forte aux poules. Gagne des trophées, peut-être. Bravo. En Floride, une femme non mariée qui fait du parachute le dimanche est passée d'emprisonnement. Ça, c'est génial. Oui. Dans le Vermont, les femmes doivent obtenir une permission écrite de leur mari pour porter de fausses dents. Il y en a qui aiment mieux ça pas dedans. C'est plus confortable. Hein? Au Delaware, plusieurs couples qui se sont mariés pour remporter un pari. En fait, non, il y a plusieurs couples qui se sont mariés pour remporter un pari. Et puis, une fois le pari gagné, ils ont voulu annuler le mariage. Ça, c'est pareil. Donc, maintenant, il y a dans les causes pour annuler un mariage, le couple peut cocher parce que c'était un pari. Il y a ça dans les choix de réponse. Hein? Tabarouette. Non, il fallait justement que ce soit sur un formulaire pour pouvoir être accepté. Quand ça va bien. À Truro, dans l'État du Massachusetts, le futur époux doit prouver qu'il fera un bon mari. Pour cela, il doit partir à la chasse et tuer 6 merles ou 3 corbeaux. Un des deux, t'as le choix. Un des deux. C'est fun? C'est un beau plaisir. Choix. Ouais. Non, une partie de chasse. Les hommes qui ne supportent pas leur belle-mère n'ont pas besoin de se forcer à Wichita, au Kansas, car mal se comporter avec sa belle-mère ne peut pas être une cause de divorce. L'épouse ne peut donc pas brandir la menace du divorce à son mari s'il est en guerre contre sa mère. C'est formidable, hein? Ouais. Donc, un dernier blitz. En Georgie, il ne faut pas mettre de compte de glace dans la poche arrière de, quoi, de son de pantalon. Ouais, comme un compte de glace. Un glaçon qui pend d'un compte. Non, d'après moi, c'est plus... Un glaçon. Mettons, comme un compte. Tu sais, les verres, tu vas chez le dentiste, il y a des verres en compte. Ouais. Bon, mais avec une boule de sludge dedans, tu sais, puis ils mettent du jus. Ah, là. OK. D'après moi, c'est ça. Donc, tu n'as pas le droit de mettre ça dans ta poche arrière le dimanche. C'est interdit. Le samedi, c'est correct. Là, cette loi-là, je la trouve parfaite. En fait, au Texas, une loi récente pour lutter contre la criminalité impose aux criminels de notifier 24 heures à l'avance à leurs futures victimes le type de crime qu'ils vont commettre. Mieux que ça, à Washington, avant d'entrer dans la ville, toute personne qui a l'intention de commettre un délit doit prévenir le chef de la police. Mais oui. Hey! Hey, gros, yo. J'arrive, là. À la banque, là, je rentre. Check-moi ça. L'effet sonore est remarquable. Aïe, moi, je fais des sketchs. C'est bon. Les Chris! J'ai mal aux Chris. Ouais. Au Danemark, il est interdit de démarrer une voiture si quelqu'un se trouve dessous. Un chat, par contre? Ben, quand même. Un chat, c'est correct. Mais justement, il y avait une note. Si vous êtes un charlatan et que vous avez envie de changer de pays, il est formellement interdit d'être charlatan en Italie. Alors, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas averti. En Italie, pas de charlatan. On l'a dit. Alors, somme toute, on peut comprendre que la plupart d'entre elles sont là parce qu'il y a des idiots qui ont réalisé certains trucs. Ouais, puis il y a des idiots aussi qui l'ont voté. Moi, c'est ça. Ben, c'est ça. Il y a des gens qui sont pas renforcés. Surtout pour la première loi, la loi au Kansas, c'est ridicule. Il y en a plein, là. Il y en a plein. Voyons toute là. La liste. Puis souvent, ben, les lois n'ont pas été abolies, faute de temps, d'envie, d'énergie, de moyens. Ça rappelle plus tant que ça non plus. Là. Non, c'est ça. Il y en a là qui datent du Moyen-Âge. Tu sais, mettons... Ça peut te battre avec un homme qui a pas son arc à flèche. Là, genre. Il y avait des affaires de ce genre-là. Mm-hmm. Puis 3 coups de fusil en traversine. Ça, c'est quelque chose, hein? Yeehaw! Ming, ming, ming. Ça, c'est quand tu traverses avec ta charrette. Ouais. Jasmine vient d'arriver. Bon matin, on va pas te presser dans ton temps. J'ai failli faire des accidents, là. Ben, c'est ça. On s'est mis OK, là, ça commence déjà le niaisage, là. Moi, je pensais que ça allait vous empêcher de dire des niaiseries. Oh, non, moi, ça fonctionne bien, là. J'ai rien dit à date. Jasmine, oui. Tu vas bien? Oui. Oui. La semaine passée, on t'a fait vivre un martyr total en étant vraiment pas gentil. J'ai l'impression que ça va être pire ce matin. Je pense que oui. Mais c'est toi qui as mis les accessoires. La logique, ça n'a pas m'amener une flûte. Oui, mais écoutez ça. Mais la logique de la flûte, parce que je pensais qu'elle allait pas dire de niaiserie en ayant quelque chose en bouche. Mais tu vois que François, il y a du quoi dans la bouche et il est capable de parler pareil. Ben, c'est ça. Ouais. Il est de même. Donc, Jasmine, aujourd'hui, tu nous fais un quiz sur les phobies, Jasmine. Oui. Parce que dans le fond, les phobies. C'est important de mettre des bons mots sur ce qu'on veut dire, je pense, dans la vie. Puis, je m'étais dit que j'allais faire une chronique sur les noms de phobies. Finalement, je pense que ça va se transformer en phobie bizarre, là, en description de phobies un peu weird. Il y en a vraiment plein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les ont, mais ça existe. Il y en a vraiment plein. Bon, Myriam, bon, en tout cas, c'est un petit quiz. Et oui. Mais avant de débuter le quiz, j'aimerais faire une alliance avec Myriam parce que Mathieu Plante connaît déjà les réponses. Mais il y a assez trop deux, mettons, puis c'est. 2-3 pages, non, à peine. Non, mais pour vrai, il y en a des pas prononçables. Ouais. C'est sûr qu'il ne peut pas avoir retenu ça, aussi intelligent soit-il. Merci. Il est intelligent. Hey, c'est pas une question, ça, que tu me poses pour vrai, là. Bon, donc. On fait l'équipe. Le xylophone et la flûte. Bon, OK. Donc, la petite flûte. Xiflute. Comme ça, c'est François. Myriam va nous jouer du xylophone. C'est déplaisant, une flûte, le matin. Mais moi, je vais encore plus déplaisant. Je vais avoir une autre baguette. Je vais essayer de la trouver en même temps. Puis on a une petite tambourine là-bas. Une, c'est assez. Tiens, deux. T'en as deux. Tu peux faire des chansons. Le gars au tambourine, il dort, là. Ah oui, c'est ça. Un coup de tambourine, ah ouais. Voyons, ben. Bon. J'essaie de garder l'ordre dans la chronique. Ça paraît que j'aimais jouer de tambourine. Bon, parfait. Donc, on va comptabiliser les points. J'ai un stylo ici. C'est une tambourine à 25, ça vaut pas de la marque. Tu écris pas là-dedans, je vois les comptabiliser. Ok, ben dans ce cas-là. T'as l'air à douter de mes capacités. Un peu. Un peu. Je vais peut-être gagner. Myriam et Ayan. Myriam. Quelle musicienne? Donc, Mathieu. Demain, concours de musique, hein, si tu veux venir participer à Soirée de la musique, tu peux t'inscrire pour venir jouer du xylophone, c'est ça. Ok, parfait. Là. Bon, donc, je vais vous soit demander des noms de phobies, puis vous allez me dire c'est quoi, ou soit que je vais vous donner des descriptions, que vous allez trouver le nom. Mais ça, c'est plus compliqué. Ok. Hey, François, je vois toutes les réponses dans donc, on va. Mais non, mais. Oh, tricheuse. C'est faux. C'est bon, on va commencer avec l'enclophobie, qu'est-ce? Myriam. Peur d'être pris dans un enclos. Enclos, A-N-T-H-L-O. Droit de réplique à un des deux. Les fourmis, François, les fourmis. La flûte. Ant. Ouais, j'avais dit les fourmis. La peur des fourmis. Non, c'est la peur des fleurs. Ça parle pas de l'anglais, là, on parle du grec puis du latin. Non, okay, c'est ça. Je sais pas, mais peut-être que les fourmis viennent du latin. Tu m'as rendu en erreur, Mathieu. Ok, ouais. Okay, parfait. Donc, zéro, vous êtes pas super bon jusqu'à maintenant. Ma stratégie va être de défaire les réponses de France. Wow, on se réchauffe. Ok. La tasagoraphobie. Le diable de Tasmanie, là. Comment? J'aimerais que tu tournes en même temps. Lui, il tourne. Il tourne vite, il me semble, c'est ça, parfait. Non. Non. On peut-tu avoir un indice? Ouais, ça serait pas pire. Ouais. Non, mais toi, t'as plus loin. Non, c'est juste. Ça concerne la mémoire. Ah, oh, le xylophone. Ah, oh, ça. C'est un parti pris, ça. Peur de. Voyons, comment on appelle ça? Peur des gens qui ont l'Alzheimer. Peur d'avoir l'Alzheimer. Non, François. Un droit de réponse non, mais, par question. Non, mais, j'aurais dit peur de perdre la mémoire, là, mais. Non, c'est la peur d'être oublié. Oui. Oh, c'est tellement touchant. Mais oui. Il y en a une vraiment bonne que j'ai. Je sais plus où. Attends un petit peu. Ah! La natidaephobie. La quoi? T'as tout écouté. Myriam? La peur des nouveaux-nés. Non. Un doigt de quelqu'un. La peur des nouveaux-nés dans la face. Non plus, François. Moi, j'ai rien compris. C'était quoi? Anatidae ou déphobie. Quelque chose de même. Anati. Je sais pas. La peur fictionnelle qu'un canard est en train de vous regarder. Ah, t'as trouvé un mot. Oh, non, c'est ma préférée. Okay, c'est vraiment ma préférée. François se demandait c'était quoi depuis sa naissance. C'est vraiment ma préférée. Est-ce que t'as peur qu'un canard soit en train de te regarder? Tout le temps. Je te regarde. Ben, y'en a pas ici. Ah oui, gars. Ouais, on va essayer de. La cervalophobie. C'est pas bon pour les universitaires, ça, oui? Peur des cerfs. Non. C'est cerveau. Non, j'ai un point. À non, Mathieu. Ouais, un petit coup de tambourine juste pour les pommes. Oui. OK, parfait. C'était quoi le mot? Cervalophobie. Cerveau. Ça ressemble à une sorte de popsicle. Oh, un cervello. Non, c'est un cervello. On dirait. Non? Non, c'est la peur de la bière. Ah, j'étais proche. Je l'avais dit ça l'autre fois en plus. Fait que. T'as beau pas aimer ça, mais tu peux pas avoir la peur de la bière. On peut avoir peur de plein de choses. Ah, hein, on peut avoir la peur de n'importe quelle chose. N'importe Jasmine, quelle c'est chose. De quoi elle parle. Elle dira pas un nom, non? C'est ça, oui, mais tout le monde le sait de quoi j'ai peur, de toute façon. Elle a peur de la moutarde. C'est dégueulasse. Ça m'écœure. Franchement. Là. Non, mais on voit ça dans les talk shows américains. On se dit, ça peut pas être vrai. Je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueu. T'aurais dû aller à Oprah, c'est tellement drôle comme peur. Il y en a qui ont peur des cornichons. Je ne peux pas. Hey, OK, la peur des cornichons, c'est quoi? Je l'ai là-dedans. Ouais, c'est quoi la peur des cornichons? Dis-moi ça. Mais là, go! Cornicophobie. Non, mais faites aller vos buzzers, ils sont là pour ça. Cornicophobie. Wow. Tambourine. Ouais, corimballon, phobie. La concombrophobie. Non, mais ça ressemble. Non, il faut que ce soit le moins ressemblant. On a appris avec ton quiz que le mot ne ressemble jamais au mot. Mais non, mais en fait, c'est parce qu'on part des racines latines ou grecques. Là. Fait qu'on prend le préfixe qui soit latin ou grec, puis le phobie. Bon, personne ne le sait. Donc, c'est la cucurbitophobie. Ben, je savais. Donc, si vous savez pas, c'est quoi? Cucurbitacée. Cucurbitacée. Les courges, les concombres, tout ça. Chrysophobie. Ah, xylophone, xylophone. Parent qui a peur des crises de son enfant au à l'épicerie. Non. La peur du Christo Show à Musique Plus, c'est tellement mauvais. Effectivement, mais non, c'est pas ça. Allez, on donne un point. Deux points. Merci. Deux points, parfait. Ben, j'ai essayé pas. Hey, tes notes même pas, mais y a personne qui a eu de points, c'est sûr. C'est moi qui vais gagner. On est tellement tarés. Oh. C'était la peur de l'or. Ah, donc de là, l'or. Arrêtez-moi quand j'ai plus de temps, parce que j'en ai plein, là. J'ai vraiment plein de temps. Très proche. Malheureusement. Ouais. C'est fini? Un dernier. OK, un dernier. Est-ce que vous me laissez 30 secondes pour en trouver? C'est dur. Donne-en un facile. On veut que quelqu'un fasse un point. Au moins. Ou le donne. Ah ouais, comment? Une phobie que Mathieu. La romanophobie. Romano, peur de rame. Peur du romano fafa. Non. Alors, en fait, j'écoutais les auditions de Star Academy. Puis il y a un des gars qui... Parce que c'est Guy Jodoin qui anime ça, là. Les auditions de Star Academy, c'est Guy Jodoin? Ouais. C'est lui qui anime ça. Non, mais c'est lui qui anime le spectacle à la télé. OK. Puis... Il y a un des candidats qui tripe bien gros sur Dans une galaxie près de chez vous. Je pense que tu peux pas utiliser. Mon téléphone. Non, hey. Je pense que... Fait que... Battez-vous pas pour le téléphone. Il a demandé, est-ce que tu peux me faire un nombral? Fait qu'il s'est retourné, il fait, nombral. Je fais ça à un des candidats Star Academy, c'est drôle. Est-ce qu'il est tombé? Non. Il aurait pas moyen d'acter un petit peu. Non, si t'avais vu le bonhomme, il est pas tombé. Si c'est un armoire à glace, là. C'est impressionnant à l'entendre chanter. Pourquoi tu m'as pris mon xylophone? Pour jouer de la musique. Je crois pas. Je trouve que c'est la chronique la moins structurée jusqu'à maintenant, mais merci. Ben, donc voilà, c'est ça. Il y a personne qui gagne, c'est moi qui gagne parce mais c'était que. Mais c'était quoi ton dernier? Je sais plus, c'est même. Un dernier. C'était la part des Romains. OK. Ah, ben, j'étais pas loin. C'est ça. Ça répète point. Le fromage en aussi. En tout cas, Astérix et Obélix. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non. Les autres, ils avaient pas peur. Hey, on me dit que j'ai plus le temps. Donc, total de 0 à 0 à 0. Pour ta chronique tantôt. Quoi? Merci, Myriam, pour ta chronique tantôt. Hey, ça me fait plaisir. C'était le fun? Jasmine. Hein? Apporte-moi encore des instruments de musique! S'il te plaît, non! Je vais les ramener chez moi et je ne les ramènerai plus jamais ici. Tu ne devras ta flûte? Elle est morte, la vache à maille. L'avais-tu? Tu as l'air de vraiment aimer ça. Hey. Garde-la! Ah ouais. Moi, je salue les gens qui se réveillent avec le cadran sur cette la flûte. À cette heure-ci. Non, mais écoutez ça, gang! Allez manger vos toasts! Bon, c'est beau. Wow. C'est beau. Je pensais qu'il était saine d'esprit, moi, Myriam. Eh bien, non. Je pense pas. Ils vont rester ensemble. Hey, Jasmine, on se passe une mission à deux à la place. Ouais. Eh bien, non. Non. En tout cas, moi, je pourrais enregistrer un petit thème musical là, avec tout ça. Ah, OK. On part en orchestre. On s'inscrit à la soirée de la musique demain. Hey, bonne idée. Parce que t'as pas de chanson thème. Ta chanson thème, c'est un de nos fonds normaux de l'émission quand y a pas, t'sais, on n'a pas de petite intro. Faut t'en faire une avec ces instruments-là. Ça va être super bon. Ça va être malade. Est-ce qu'on l'a fait live? On a à peine le temps. On se quitte après ça, c'est certain, OK? Ah, c'est ça. Puis moi, je on les a tous faire une chanson qui existe? Moi, je fais rien. C'est ça. Dépêchez-vous, on n'aura plus le temps. Joue de l'hélicoptère. Qu'est-ce qu'on fait là comme chanson qui existe, là? On s'en invente une au hasard. OK. Chronique linguistique à Jasmine. Chronique linguistique à Jasmine. Jasmine, elle parle de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon. T'es faite, hein? T'aurais pas dû faire ça. Restez avec nous, ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis revient tout de suite. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François-Olivier, Mathieu Plante, pièce détachée, Assemblage Requis. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis mettant en vedette nos chroniqueuses féminines. Je vais te dire quand. Pas de suite. Pas long non plus. Hey! Hey! Au nombre de fois où est-ce que je dépasse pendant mon entrée. Bon, aujourd'hui, de quoi qu'on parle, les enfants? C'est quoi ton affaire, là? Alors, aujourd'hui, on va parler d'une chanteuse que j'aime bien gros, que j'ai découvert à l'aide d'une amie droguée qui travaillait avec moi au Subway. Elle m'a fait découvrir ça. Ben, c'est le fun, ton amie, sa caractéristique, c'est ton amie droguée. Oui, mais je dirais pas son nom. Hein, non, on va s'en attendre. Fait que c'est ça. Alors, on parle aujourd'hui de M.I.A. Certaines personnes peuvent avoir entendu son nom. Certaines personnes peuvent aussi avoir mal prononcé son nom. Oui, en lisant, tu peux dire pas Mia. Mia. C'est pas Mia, c'est pas Maya, c'est M.I.A. Il y a des points, là, lisez, là. Moi, je suis capable de lire. Alors, de son prénom... C'est un talent pratique à avoir, quand même. Oui, c'est un talent dans la société d'aujourd'hui, m'a dit, là. Quand tu vas aller aux toilettes, faut que tu saches lire. Ben, il y a des petits symboles, là, mais à l'université, ici, c'est très difficile de savoir hein, dans quelle toilette aller parce qu'il y a une pancarte d'handicapés sur chaque toilette. Donc, tout le monde demande, mais c'est laquelle, celle qui est pour les hommes? Ben, celle qui a un logo d'homme en haut, mais que ça la donne à avoir une chaise roulante aussi, accessoirement. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est tous handicapés à l'université. Ben, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors, de son vrai nom, là, elle est née Methangi Maya Aril Pragazam. Fragazam barabam barbim barboum. Exactement. Okay. Ça, c'est un nom qui veut dire pas grand-chose, mais ça, sa descendance, ça peut avoir une influence par rapport à sa descendance. Elle est descendante du Sri Lanka. OK.

Ah, oh, ben c'était. Oh my god. 40e anniversaire, je me serais passé d'un beau puke à terre. C'était dégueulasse. Brain Puker. Je pense que c'est l'ancien groupe du gars Tricot Machine, ça. Exactement. Ça, qui s'appelait Bussick. Bussick. Puis c'est ça, on venait juste d'aller manger au restaurant au Vincenzo. Vincenzo. Mais c'était dégueulasse en ressortant. Ça sentait pas la même affaire. OK. Mais en entrant, c'était très bon par contre? Ben moi, j'ai goûté, c'était bon. Mais pas en ressortant, j'ai pas goûté. J'ai pas fait un check. Justine, tu vas trop loin encore. Je m'excuse, tu mettras des censures. C'est en direct en passant à l'émission, je peux te dire. Ben, demain, ça sera plus en direct. Pour la reprise, là, désolé pour ceux qui écoutent la reprise, il y a des bips partout, là. Ben, c'est ça. Fait que c'était ça, mon. Moi, je pensais que c'était toi qui avais une chute de pression. Non, j'ai même pas pu donner de sang. Ouais, mais t'aurais pu avoir une chute de pression en la voyant. Vomir. Ah, ben oui, j'ai eu une chute de pression en la regardant vomir. Moi, là, la chose que j'haïs le plus dans la vie, là, c'est genre le vomi pis les moustaches, là. C'est... Ah! Justine, respecte la moustache. Les moustaches. I respect the moustache. You gotta respect the moustache. Bon matin, Stéphanie. Bon matin. Ton plat favori, comme toujours, tes coups de cœur de la semaine. Combien en as-tu cette semaine et dans quel ordre on fait ça? Cette semaine, j'en ai deux. Je vais commencer par M83, donc M83. Ah ouais? J'ai entendu parler parce que c'est sur le palmarès électronique, ça, en ce moment. C'est même numéro un. Et c'est le genre de groupe que je découvre et que je me dis, j'en reviens pas que je connaissais pas ça avant parce qu'ils sont quand même rendus à leur sixième album. En fait, c'est plus vraiment un groupe. C'est le projet de Anthony Gonzalez. Il a sorti l'album Hurry Up, We're Dreaming à la mi-octobre. C'est un album double. Donc, j'ai acheté ça cette semaine. On en a quand même pour notre argent. Il y a 22 pièces sur l'album. Wow. Oui, c'est pas mal électro, très ambiant par moment. Ça serait une bonne trame sonore. C'est vraiment la musique qui est à l'avant-plan. Les voix sont un peu moins importantes dans ce groupe de musique-là. Et par contre, le single que j'ai choisi, c'est le premier single de l'album. C'est la pièce Midnight City. Elle bouge un petit peu plus, musique moins ambiante. Mais c'est super bon. Et j'ai hâte de découvrir les autres albums que je connaissais pas non plus. J'ai hâte de voir ça. Je vais en avoir pas mal à écouter avec 6 albums quand même à son actif. Et le deuxième artiste que je vais vous parler... J'ai découvert ça aussi cette semaine. C'est Lana Del Rey. C'est une auteure-compositeur-interprète américaine. Elle a sorti un EP en 2009 qui s'appelait Kill Kill. Ensuite, elle a sorti un album sur un label indépendant, mais par manque de publicité, il a fallu qu'il retire l'album parce qu'il ne se vendait pas du tout. Oh. Donc, l'album est même pas disponible. Donc, en fait, sur son CV, il n'y a pas encore d'album complet de sortie. Mais il y a l'album Jedi qui devrait sortir le 30 janvier 2012 au Royaume-Uni. Alors, normalement, c'est le lendemain que l'album sort aux États-Unis et au Canada. Donc, on va pouvoir avoir ça après les fêtes. Et par contre, elle a déjà plusieurs vidéoclips à son actif et c'est elle qui les a toutes réalisées. Bon, dur à trouver, par contre, sur Internet. Sur son site, ça dit qu'elle a 6 vidéoclips de fait, dont deux chansons qui sont en 2 versions. Donc, c'est ça, c'est vraiment intéressant à voir. Elle a vraiment un style particulier qu'on peut voir dans tous ses vidéoclips. Pas mal intéressant. Et dans le fond, elle, c'est vraiment une relation amour-haine que je pense que j'ai avec elle parce que, ben, en fait, pas mal tout le monde, c'est le cas avec cet artiste-là. On adore sa voix, on adore son look un peu années 60. Mais par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est que vous savez, dans les années 90-2000, tous les groupes étaient préfabriqués, Backstreet Boys, Britney Spears, tout ça, c'était un look déjà fait, là. Ben, les Backstreet Boys, c'était pas préfabriqué, là. C'est des amis, c'est ce que ça donnait, puis c'était pas si pire. C'est tellement drôle. Mais en tout cas, cet artiste-là, c'est la même chose. Avant, elle avait un style pas mal plus pop, commercial à la Britney Spears et autres pop stars de ce monde. Mais ses gérants ont décidé de tout changer. Ils ont changé son nom. Avant c'était son vrai nom qui faisait de la musique. Et là, ils ont changé son nom. Ils ont mélangé les noms de plusieurs actrices hollywoodiennes d'antan. Donc, ils ont choisi le nom Lana Del Rey. Ils ont changé son style pour qu'elle ait un style vestimentaire, un look très Mad Men, très... années 60 classique. Et aussi collagène de, dans les lèvres, tout le kit. Oui, elle, elle a dit oui à ça, tout ça. Là. Oui, ils ont tout changé. Ils ont changé aussi son style de musique. Ils se sont dit on serait peut-être mieux d'aller avec un style plus underground. Puis finalement, ça l'a pogné, mais tout le monde est au courant que c'est un produit préfabriqué. Donc, c'est un peu étrange, mais quand même, sa musique est très bonne. Eh bien, je sais pas, c'est un... Je sais pas. Vous savez, moi, il me semble... Be true to your school, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est vraiment amour aime. Ouais. On aime la musique, mais on se dit... Mais c'est préfabriqué, fait que c'est un peu bizarre. Mm-hmm. Pas sûr. Alors, en tout cas, on va l'entendre. Ça. Ça pourrait être super bon. Je vais peut-être être surpris, mais il me semble que... Je sais pas, ça fait vendu un petit peu, ça, non? Ouais, en effet, ça fait vendu. Ouais. Mais quand même, moi, j'ai écouté son... ses chansons avant de savoir toute cette histoire-là. Fait qu'au début, je me disais, oh mon Dieu, c'est tellement bon. Ouais. Définitivement, mon plat favori de la semaine. Puis après ça, j'ai lu tous ces articles-là sur elle. Aïe, aïe, j'ai comme plus la même vision d'elle. Ouais. J'adorais son look années 60. Je suis vraiment partie. Ça faisait original, ben oui. Oui, c'est ça. Je suis vraiment partie sur ce style-là. Je vous avais parlé de The Like il y a une couple de semaines qui était un peu dans le même style années 60 pour le look. Pas pour la musique, par contre, ça se ressemble pas du tout, mais je suis vraiment partie sur un style de musique que les personnes ont un style très Mad Men. Ouais. Et après ça, j'ai lu ça et j'ai été très surprise. Elle se donne vraiment un air. Dans son clip, en tout cas, sur son site, là, elle se donne vraiment un petit air genre enfanante un peu. Là, c'est quel clip que t'as vu? Celui qui joue là en ce moment, je pourrais pas te dire. Je pourrais peut-être... est-ce que je peux... c'est Video Games. Excusez-moi? OK, ouais. C'est... c'est pas mal le style qu'elle se donne dans toutes ses vidéoclips. Ouais. Eh bien. Bon. Ouais, c'est ça. On va l'écouter tantôt pour se donner un avis. Ouais, mais vous allez voir, la musique est quand même très bonne. Puis c'est quand même elle qui l'écrit. C'est juste qu'ils ont décidé de changer le style musical. D'accord. Donc, on va entendre ça dans quelques secondes. Et puis après ça, MLA3 dont tu as parlé juste avant. Et oui. Autre chose à dire? Non, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Il n'y en a pas de problème. Tout va bien. Merci, Steph. Merci. Merci. Ça a été une bonne chronique. Je pense que j'allais aimer ça. Hein? Ben oui, certainement. Et ça a été une bonne chronique cette semaine. j'aimerais ça que tu continues ton beau travail. Change pas. Écoute, j'espère qu'on va se voir pendant le temps des fêtes. Tu me manques. Ben oui. Je vais essayer, durant le mois de janvier, de venir à Trois-Rivières puis de venir pendant une émission. J'aimerais bien ça. OK. Cool. Cool. Très cool. On est out. On s'ennuie. Ouais. C'est sûr. Je comprends bien. T'es fine. T'étais tellement une bonne co-animatrice, là, Stéphanie. C'est le fun de co-animer avec toi. Là, je vais pleurer de joie. Oui. Pleure de joie. Vas-y, on va écouter ta pièce pendant ce temps-là. On va te laisser ton téléphone en ligne, en onde. Donc, tu vas pouvoir pleurer par-dessus la pièce. Bye-bye. François, qu'est-ce que je ferais pas pour avoir Steph comme... Écoute... Va en Outaouais, ça va nous faire plaisir. Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're sort of punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean. Love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those pictures before. Say you'll remember, baby, say you'll at Skid Row. Big dreams, gangsta, said you had to leave to start your life over. I was like, no, please, stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing, but he was chasing. I heard I will love you till the end of time. Restez avec nous, ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis revient tout de suite. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François-Olivier, Mathieu Plante, pièce détachée, Assemblage Requis. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis mettant en vedette nos chroniqueuses féminines. Chronique linguistique à Jasmine. Jasmine a parlé de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon. T'es faite, hein? T'aurais pas dû faire ça. Hein? Super, hein? Oh, c'est beau. Ah. Je suis vraiment émue. C'est notre band live. Oui. Oh. Alors, Jasmine, chronique linguistique. À chaque semaine, tu nous présentes comme ça un sujet des plus sérieux là, qui dérape jamais... Jamais. Ben, cette semaine, je me suis dit que j'allais y aller avec un sujet plus sérieux, justement, plus plate au départ. Comme ça, vous allez le rendre un peu le fun. Alors que la semaine passée, t'as commencé beaucoup trop le fun. Avec un quiz avec des instruments de musique, oubliez ça, là. C'est, un xylophone. J'ai donné une flûte à François, puis c'était fini, là. Le tambourin, tambourine était très peu utilisé dans ta chronique la semaine passée. J'ai comme rien fait c'est avec. C'est toi qui l'avais, c'est ça. Même dans la tune, on l'entend pas bien. Ben, on le voit pas du tout. Ben, je chante dessus, là. Voyons, je peux pas tout faire en même temps. Là, t'as besoin de tes mains pour chanter? T'as besoin de tes mains? J'ai besoin de mes mains pour chanter. Pour que ça sonne ça comme ça. On pas, on est dans la même équipe. Ah, c'est vrai, c'est, excuse-moi. Puis tu peux pas t'assiner avec quelqu'un qui a déjà participé à une chorale. Oh, non! C'est vrai, où ça? C'est parti, chanteur de Trois-Rivières. C'est vrai. François, il arrête pas de rire de ça. Mais pourquoi? Hey, je ris pas. Je trouve Myriam vraiment pas ça drôle. Myriam, je m'excuse, je viens de le dire. Mais Myriam aussi. Mais Myriam, à la limite, c'est correct, tu sais. Ça se tient pas vraiment. J'ai vraiment dit qu'on allait faire la pièce ce matin. Laisse faire. La guerre continue, c'est le choc des titans tous les mercredis matin. Dorénavant. Hey, merci beaucoup pour ta chronique. Ça a été intéressant. Vous savez tous ce qu'est un pléonasme maintenant, ainsi qu'une périssologie. Ah, périssologie, un nouveau mot. OK. Parce que là, Mathieu a déjà tous mes exemples. Tu sais, tantôt, il parlait de moi. J'ai deux exemples. Non, mais t'es quand même intelligent. Merci. Parce que l'autre jour, quand je t'avais dit mon sujet de chronique, il m'a parlé de nain, de grandeur de nain et tout, puis ça fait partie d'une catégorie de pléonasme qu'on a le droit d'utiliser. Ben absolument, parce que, je veux dire, à un moment donné, la réalité est que des nains, c'est pas toujours de la même grandeur, hein, et tu sais, de la même physionomie, donc à un moment donné, c'est pas rire de personne, c'est la vie. C'est comme ça. C'est un fait. Mais j'ai de la misère, moi, à dire, tu sais, qu'un nain est de petite taille, si tu dis un nain de petite taille, là, ça marche pas. Non. Mais un petit nain, oui. Ça fonctionne. Vous volez toutes mes punches, là. OK, commençons par expliquer c'est quoi un pléonasme, un pléonasme plus court, premièrement, parce que moi, c'est pléonasme redondant, ça va ensemble. Là. Mais le vrai mot, c'est juste un pléonasme. Es-tu capable de me donner une définition, mettons? François? Moi, je pourrais dire, avec mon intelligence de 7h36 le matin, je pourrais dire que, en fait, c'est comme deux mots, peut-être plus que deux mots, là, mais, qui veut dire la même chose dans la même phrase. De suite. C'est pas si pire. Ouais. C'est pas si pire. 7h36. Mettons, toi, 7h36. Moi, je dirais pas mal la même chose. C'est deux mots qui viennent, dans le fond... Tu peux pas copier, t'es pas dans la même équipe. Ah, ben, c'est autre chose. Faut que je trouve une autre réponse. Ça veut dire que l'équipe de Myriam et François-Olivier mène 1-0. Alors qu'il y a juste un joueur. C'est moi qui ai les feuilles, là. Ouais. Fait qu'on gagne, c'est sûr. OK, donc c'est juste... Je gagne tout le temps. Ouais. C'est juste plusieurs mots mis ensemble qui veulent dire la même chose, donc c'est redondant et c'est pas nécessaire, c'est superflu d'utiliser le deuxième mot. Oui, quand même. Non. Dans le fond, la vraie définition, c'est que c'est une redondance entre deux termes, dont l'un qualifie l'autre. L'un qualifie l'autre, nécessairement. L'un qualifie l'autre, c'est ça. Bon. Donc, l'exemple le plus connu, c'est monter en haut, justement. C'est pas nécessaire de dire en haut, parce que dès qu'on monte, on... Ah, j'aurais dit, moi, plus connu, haut, descendre en bas. Ah, ouais, aussi, mais c'est dans ta maison, là. Il visse mes feuilles. Hey, je vois même pas tes feuilles. Il visse mes feuilles. T'es écrit trop mal. C'était pas l'ordi. On pourrait dire donc, sinon, avancer par en avant ou, tu sais, reculer par en arrière. Ouais, par en arrière. Arrière. Ouais. OK, parfait. Parle comme faut. Ouais, oui, c'est ça. Sûrement, quand vous étiez en secondaire 3, 2, 4, là, de quoi de même, 3, on avait tout le temps, tu sais, des compositions écrites à faire avec, mettons, 300 mots. Il fallait les compter, puis, tu sais, à chaque ligne, écrire, puis tout ça. Là, mettons, à la fin, on arrivait, il nous manquait 30 mots sur 150, là. Puis on allait mettre des adjectifs, des adverbes partout pour que ça fasse beau. Ah, je faisais ça, moi, en quatrième année. T'es un petit génie, toi. Ah. Attends, petit génie, est-ce que c'est pléonasme pour toi? Parce que... Génie François, ça fonctionne pas de toute façon. Ouais, c'est ça. Non, c'est donc pas un pléonasme. Qu'est-ce que c'est quand c'est deux, un mot qui ne peut pas aller avec l'autre? Mais ce serait une antithèse, une figure de style, dans le fond, là. J'imagine. Un pléonasme, c'est une figure de style aussi. Ça peut être considéré comme une figure de style. Cool. Je vais tout vous expliquer ça. T'es fine, hein? C'est ça. Ah, c'est... Donc, c'est ça, quand on était en secondaire, au secondaire ou en quatrième année, comme François, on allait tout le temps mettre des mots pas rapport pour que ce soit beau, puis on se disait, ah. Oh, mettons, je vais écrire une monumentalité vraiment colossale. Là, la prof va pas se rendre compte que j'écris n'importe quoi. Elle est épaisse un peu. Ben, pas épaisse. Toi, t'es épais d'écrire ça. OK. Parce que ça paraît, là. Ça veut tout dire la même chose. Ouais, mais le professeur devrait voir ces choses-là, non? Mais le professeur les voit aussi. Mais non, mais c'est ça que je dis. C'est ça? Voilà. Ah, c'est ça que tu dis. Je pensais que ça ne rendait pas compte. Mais non, non, non, mais on pense que ça ne rendra pas compte. Ah! Mais non, prise au point. Puis, dans le fond, c'est ça. Donc, mettons qu'on dit monumentalité vraiment colossale, on se dit, oh mon Dieu, que c'est gros. C'est cute. Mais chou. Pas tant que ça. Ah ouais? Ben, ça sonne bien dans ta bouche, là, mais bon. Ouais. Ben, des affaires qui sonnent bien dans ta bouche, hein, tu sais. Ouais. Puis. Quoi? C'est une belle équipe qui a formé aussi. Puis, si on dit vraiment colossal, il n'y a rien dans ces deux mots-là qui n'est pas inhérent au mot monumentalité, qui n'est pas essentiel à ce mot-là, ça fait partie du. Inhérent, qui veut dire essentiel? Qui veut dire essentiel, qui veut dire. Qui fait partie d'eux, là. C'est ça. Hein? Ça explique bien. Ouais, ouais. C'est ça. Bon. Donc, on a le droit d'utiliser certains pléonasmes. En tout, il y en a 9 catégories. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 3, 4, 7. C'est pas une chronique de maths, hein? 9. Enseignement du français. Moi, ouais. Mathématiques, j'ai jamais fait ça. Il y a 9 figures de style. C'est pas des figures de style. Non. Ça peut en être. Il aime ça dire ça, par contre, figures de style. Hein? Je me sens je préfère une chronique sur les figures de style. Bonne idée. C'est pour ça que tu fais? Non. Non. La semaine prochaine, je m'en vais faire ça après d'ailleurs. Ok. Donc premièrement, on a le pléonasme étymologique. Lui, il touche la formation du mot dans son sens d'origine. Donc c'est quand on accole à un mot un élément qui répète son sens d'origine. Je vais vous expliquer, j'ai plein d'exemples. Par exemple, si je vous dis secousse sismique, est-ce que ça vous dérange? Secousse sismique. Est-ce que vos oreilles saignent ou ça va? Non, moi ça va parce que je me dis qu'une secousse, c'est pas nécessairement sismique. Non? C'est ça. Dans le fond, c'est que si on remonte au sens d'origine du mot sismique, qui vient de séisme, qui vient de sismos en grec, ça veut dire tremblement de terre. Donc, c'est une secousse de tremblement de terre, donc secousse tremblement donc, de tremblement de terre. Donc, c'est en plein ça. Okay. Mais vu que monsieur, madame, tout le monde ne voit pas cette, ce petit détail-là, ben, ça passe bien, puis on peut quand même l'utiliser parce que ça va bien passer, justement. Mais toi mettons, quand tu vas être professeur, tu vas mettre une erreur ou non? Moi, je l'aurais pas vu, non? Honnêtement. Là. Ah, OK. Non, c'est ça. Mais là, tu le sais, donc là, tu verrais. Là, tu vas le voir. Ouais, mais je mettrais pas une faute. Non, OK. Non, je pense pas. Ce serait sévère. Je suis juste en deuxième année, là, et demi. Ouais, ouais. Fait que je vais voir ça. Il me reste encore 2 ans pour savoir si je vais mettre une faute. OK. OK. Le deuxième, c'est le pléonasme contextuel, donc qui dépend du contexte. Si je dis relire à nouveau, répéter 2 fois, c'est des choses qu'on peut entendre souvent. Si, par exemple, j'ai lu un texte une fois, puis je dis je vais le relire à nouveau, c'est une erreur. Parce que tu as déjà dit relire. C'est ça, parce que dans relire, ça le dit une deuxième fois. De quoi c'est pas nouveau? Ben non, mais c'est pas nouveau. Tu peux pas le relire à nouveau. Non, mais il y en a qui le disent. Ça sonne bien, relire à nouveau. Mais mettons, là, mettons, OK. Mettons que tu l'as déjà relu, OK. Tu dis, je l'ai relu. Mais là, tu vas le relire de nouveau. Donc, c'est la deuxième fois que tu le relis. Parce que oui, là, déjà ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça dépend du contexte. Que ça soit la troisième fois minimum. Ça dépend du contexte, c'est ça. Wow. Voilà. C'est super. J'aime ça. C'est ça. Si je le relis une troisième fois, là, je suis pas un matin, fait que on va passer au prochain. Donc, le troisième, ce serait le pléonasme grammatical. Ça, c'est quand il y a une erreur qui touche la grammaire, justement, de la phrase, des règles qui sont pas respectées. C'est souvent des trucs que, mettons, moi, je vais voir, que je vais reprendre les jambes, que... Non, quoi, non. Hey, ça a l'air super hautain, là, la manière que je l'ai dit. Ouais. Ça a l'air vraiment pas fin. Mais, Comme fin. Quoi? Exemple? Bon, un exemple. Ce chercheur a trouvé un antidote contre le venin de serpent. Un antidote, c'est toujours contre, c'est toujours de toute contre, façon. C'est toujours contre, c'est ça. C'est dans la nature. C'est quoi, un antidote? Au venin. Parce que si on dit, tu sais, dans la nature d'un antidote d'être contre quelque chose, ouais. c'est un remède qui s'oppose, dans le fond, aux effets. Surtout que t'as le mot anti, tu sais, anti. Ouais. Surtout que t'as anti. Ben, ouais. Sûrement. Ouais. C'est ça. Je voudrais pas dire oui à 100%, mais peut-être. Très fortement, peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être Commence pas à faire des pléonasmes, toi, là. C'est ça. Hein? Bon. Donc, quatrième, le pléonasme hypocoristique. On va tous retenir le mot hypocoristique. Est-ce qu'on sait quoi? Hypocalorique. Oui, ou encore une choriste très, très grosse. Hypocoristique. Ouais. Hypocoristique. Hein? Choristique, ça. Mais pourquoi elle serait grosse? Mais parce qu'elle a l'air d'un hippopotame. Ouais. Ah, il s'adore quoi, déjà? 43. Déjà, tabarouette, ça passe vite, hein? Ouais. Bon, donc, hypocoristique, la signification de ce mot-là, c'est un mot qui exprime une intention affectueuse. Donc, lorsqu'on va dire... Si on dit le mot fillette, on sait que la fille est petite, là. Pourquoi tu ris? Je m'attendais pas à entendre ce mot-là ce matin. Fillette? Mais, ouais, fillette. Mais en même temps... Ça te chamboule, toi, tes émotions. Ouais. Non, je sais pas. Non, vas-y, continue. Il y a vraiment la surprise. Ah ouais, je suis surpris. Fillette, ouais. Tu sais, une fillette, une maisonnette, quelque chose de même. C'est petit, là, ouais. Quand on dit... Fait que tu dis une petite fillette, ça marche pas, c'est ça? Ça marche non? pas. C'est ça... Non, en fait, ça pourrait fonctionner si on veut, si on a une intention affectueuse, si on veut dire elle est cute, elle charmante, elle est attendrissante. Ça fonctionne. Parce que souvent, on... Est-ce que tu peux dire... On a une petite affaire, là, puis c'est parce que c'est cute. Ou à l'inverse, est-ce que tu peux dire, mettons, « Hey, la grosse fillette, là, est attachante. Oh! » Non, mais je sais pas. L'hypocoriste. Ben, tu peux, là, Non? Tu diras pas ça. Ben non, mais ben, peut-être, en fait. Ne doute pas de François, il est capable d'insulter les gens, tu l'as vu. Je sais. Non, je veux pas dire ça à personne, mais... Non, mais je sais pas, parce que, justement, elle est petite, mais petite dans le sens d'âge. Ouais. Ben, non, mais ça dépend, là. Tu dis une petite maisonnette, elle a pas d'âge, la maison? Ben, en même temps, petite maisonnette, est-ce que tu parles, mettons, de la maison de Barbie ou tu parles d'une maison qui... Je jouais pas au Barbie, moi, fait que je pourrais pas, j'ai jamais dit ça. Bon. Elle est quasiment fière de le dire. Moi, je jouais pas au Barbie, en tout cas. Fait que... Non, mais j'ai... Oh, vous êtes tannant, vous autres. Monsieur, il a joué. Il a joué? Ben non, avec ma soeur, peut-être pas. Bonjour, ma soeur, moi, elle me payait pour qu'elle me pousse en traîneau dans le village. Ben, combien, mettons? Poussette? Je sais pas. Ouais, on sait que tu penches pour 10 cents, on sait ça? Ouais. Okay. Elle voulait que tu la pousses? Non, c'est elle qui me poussait, elle est plus vieille que moi. Puis elle voulait faire... Ok, pour te pousser. Ok, je pensais pousser, mettons, sur... elle te pitchait dedans? Non, elle me poussait en poussette, là. Puis tu sais, pour faire semblant que j'étais comme son bébé. Okay. Okay. Belle relation, hein? Ouais, mais sérieux, je m'ennuie de ma soeur, mais... Quelle belle enfance, elle est pas morte, non, elle est pas morte. super. Elle reste loin. Hein? J'ai dit quelle belle enfance t'as dû avoir. Ouais, non. J'étais pas fier d'être là-dedans, mais en même temps. Tu faisais payer un bonbon. Ouais. Moi, on réussit à m'acheter avec des bonbons. Ouais. C'était rien à faire. Des petits dinosaures sûrs, attends. C'est tellement bon. Oui. Bon. OK, on continue avec les pléonasmes. Vas-y. Cinquième, pléonasme d'insistance. Insistance. C'est ça. C'est quand on veut renforcer la pensée ou exprimer de l'expressivité. Expressivité? Ben oui, c'est ça le mot, hein? Oui, exemple? Expressivité. La loi, c'est la loi. On le sait, là. On le prix le plus bas fait loi. Non. C'était chez Distribution Consommateur, je pense. C'est où, ça? Zellers? Distribution Consommateur, je pense. Non, Zellers. Zellers? Zellers. Oui. Ah. Zellers. Ben, peut-être. Mais ouais, la loi, c'est la loi où je l'ai vu de mes propres yeux. Tu peux pas voir avec autre chose avec tes yeux dans la vie, là. Mm-hmm. Donc, c'est ça, il est plate, celle-là. Moi, je n'ai comme rien à expliquer. C'est plate. Ah, c'est pas le seul. Comme. Hey! Oh. T'aimes pas ça, hein, comme faire travailler ton cerveau comme ça? Non, il est bon, 7h46, ça fait 10 minutes. La semaine prochaine, t'as mis ta flûte. Non, la semaine passée. Okay. Je pense que Jasmine, tu sais, au début, était comme. Elle trouvait ce plat d'être à la fin de l'émission parce qu'on était comme pressé dans le temps à 8h45. Je peux tirer ça, mais mon français, je vais vous apprendre plein de choses. Tu peux tirer plus ça, mais ça fait aussi plus d'insultes de la part de François. Fait que tu peux comme pas gagner, ça. Oh, mais je peux y renvoyer, t'as peu. Je suis encore timide, je vais me dégêner. Hein? Oui. Donc, je vais t'appuyer là-dedans, tant que tu veux. D'ailleurs, parenthèse, j'ai tellement hâte que vous ayez plus vos moustaches, là. Mais pas. J'ai tellement hâte. Un matin, je me suis levée, je me suis dit, ah. Peut-être qu'ils vont s'étraser. C'est tellement le plus beau jour de ma vie. Il n'y aura plus de moustache demain, puis je commence mon calendrier de l'Avent. Aïe, aïe, aïe. Depuis le mois de janvier que j'attends ça. Ta vie est vraiment plate, c'est ça, les deux enfants. Depuis le mois de janvier que j'attends d'avoir mon calendrier de l'Avent. Mais moi, j'ai dit, achète-en un pour le mois de novembre, mais mange les jours 1 à 20, le 20. Non, puis ça commence le 21 au moins. Non, mais ma mère m'a vraiment averti, là. C'est elle qui m'a. Oui, tu sais, je suis vieille, là. Puis elle m'achète encore un calendrier de l'Avent. Puis elle m'a vraiment appelé pour me dire, mange le pot tout de suite. Et fine, parce que. Elle m'a vraiment dit, parce qu'elle sait que je vais le manger sinon. Ouais. Puis en tout cas, il est malade, j'ai eu que juste cette année, on en parlera une autre fois. Mettons, tu fais celui de décembre, peux-tu avoir un calendrier de l'après, mettons, le faire le mois de janvier, t'sais? Mais non, mais là, rendu en janvier, tu dis déjà tout ce que t'as mangé, puis tout ce que t'as bu. Fait que t'as pas le goût de manger du chocolat. Ouais. Même moi, j'ai pas le goût d'en manger en janvier. Même toi, hein? Ça veut dire quelque chose. On était rendu à quelle position? Quelle position? Des pléonasmes. Ok, c'est comme un top. C'est pas vraiment un palmarès, hein, c'est ça? Non, parce qu'il n'y a rien de super le fun, il n'y a rien de meilleur que d'autres. Quel sera le numéro 1? Le pléonasme d'existence, lui, il est numéro 0 parce qu'il est plate. Ouais. OK, pléonasme absolu, ce qu'on appelle une périssologie. Une périssologie. Périssologie. Périssologie. Bon, là, j'ai une quoi dans la face. Okay, ça lit mal, hein? Hein? Ça lit mal, quelque chose dans la face. C'est ça, j'ai comme un. Bon. C'est lorsque la répétition est non nécessaire. Donc, c'est vraiment dans ce cas-là qu'on n'a pas le droit du. Ben, on n'a pas le droit. On n'est pas arrêté, là, mais on essaye de l'éviter parce que c'est vraiment considéré comme une erreur. Mais toutes les pléonasmes sont pas. Mais comme j'ai dit, il y en a certains qu'on a le droit d'utiliser. C'est pas parce que c'est un pléonasme que c'est nécessairement fautif si on a une intention justement de poésie, de dire que la petite est cute ou de dire que la loi c'est la loi. T'sais? Qu'on veut vraiment que ça rentre dans la tête de la personne à qui on le dit. En le répétant. C'est ça. Okay. C'est comme dans les pubs quand tu répètes 12 fois le nom du commerce, ça rentre plus dans la tête. Hein? Ouais. Ou tu sais, quand il y a certains noms de commerce aussi, ils ont comme deux fois le même mot. Comme quoi? Pizza, c'est fatigant. C'est vrai. Moi, je trouve ça vraiment déplaisant. Ou les groupes de musique Mother, Radio. Ça, j'aime ça, par exemple, c'est pas grave. Les autres, je les aime. C'est ça. Ils ont le droit. C'est excusé. Ils ont le droit, les autres. François, qu'est-ce que t'en penses? Il y a hâte que j'arrête de parler des pionnes, parce qu'il y a tellement hâte. OK, je continue. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire, comme exemple, une instance décisionnelle. Parce que c'est ce qu'on sait, ce qui est une instance. Une petite définition un matin comme ça, là. Non. François, il veut m'attirer, vas-y. Ils doivent prendre des décisions. Non, mais je dirais un palier. Palier, c'est impressionnant, non? Vraiment pas, Harry, bon, c'est pas ça partout. Non, mais tu sais, un instant, c'est comme un... Je dirais un palier décisionnel, non? Un panier? Un palier. Non, tu sais, genre un... Bang. Un quoi? Ben non, mais tu sais, une... Tu sais, comment je peux dire ça, mais... C'est pas clair. Différentes... mettons... hiérarchique, là, non? C'est pas... C'est de l'eau de roche, semi, OK. Semi. Point 25 points. C'est une semi-té, tu sais. Hey, j'aime ça. Français, c'est une semi-té. Ouais. Voir que semi, c'est comme une moitié de... Une moitié de semi-té. C'est mou un peu, ouais. C'est moche. C'est poche. C'est non, poche, attends pas, un peu. Non, t'es pas si poche que ça, quand même. Ah, bon. Donc, c'est quoi? Une instance, c'est une autorité ou un groupe qui possède le pouvoir décisionnel. Ben, c'est ça que je te disais. C'est en plein ça que tu disais. C'est ça. Sauf que j'ai dit palier. C'est ça que ça veut dire. On va passer au prochain. Non, dans. Mais t'en mets en avant moins quart. Donc, prochaine, tu vas avoir moins de temps, ça va être beaucoup mieux. Sinon, pas non, pour lui, parce qu'à cause de lui. À cause de lui. Bon, donc, une instance, c'est tout le temps décisionnel. Donc, de dire instance décisionnelle, ça. Non, on dit pas ça. Dites pas ça. Non. Bon. Septième, on a quasiment fini. Il en reste juste trois. Le pléonasme d'emprunt. Ça, c'est causé par le contact entre les langues. Donc, tu sais, il y a souvent des noms de restos qui finissent par apostrophe S. Tu sais, mettons Barbie's, tu sais, avec une pub de. Barbie's Resto Bar Grill. Ça, c'est là. Quel festin et tout. Une ambiance. C'est ça. Wouhou! C'est ma pub préférée. Donc. Ça, puis ce qui tente, on avait dit, ce qui. Je sais pas, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les filles qui crient, là. Ah, c'est hot! Ouais, c'est tente, ce qui tente. Ok, bon. Mais là, c'est, en fait, c'était pas un bon exemple. Mais c'était pas un bon exemple, mon Barbie's. Dans le fond, la tourne est vraiment cool, là. Mais. Oui. Tu l'as en tête toute la journée. Ouais. Ah. C'est fait, hein? Je suis faite. Bon, donc si on avait dit chez Barbie's, par exemple, ce serait un pléonasme d'emprunt parce que. C'est pas chez eux. Apostrophe S veut dire chez en anglais. Il marque déjà la domiciliation. Ouais. Donc si on dit chez. Blablabla, apostrophe S, ça fonctionne pas. On dit pas ça. Hein? OK. Il y a certains aussi mots en latin qu'on utilise maintenant en français comme tel quel qui portent la marque du pluriel français et du pluriel latin aussi. Ah. Donc ça marche pas. Comme quoi? Desideratas. Desideratas. OK. Qui veut dire une chose désirée. Mais y a personne qui dit ça. Ben, je viens de le dire. Ouais, mais, la preuve. Non, sérieux, je pense que c'est la première personne au monde. Mais moi non plus, j'avais jamais entendu c'est ça. C'est ça le latin. J'aime ça le latin. Ouais? Ouais. Tu vas enseigner le latin? Non. Je veux des cours de latin, c'est le fun, par exemple. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aime ça. Pourquoi Myriam a ri? T'as déjà chanté en latin? On parlait des petits chanteurs tantôt. C'est pour ça qu'elle... Ah ouais, vous avez chanté en latin. Mais ouais, on chantait en latin. Une petite chanson, une petite chanson. Donc, Desideratas, c'est pas la marque... Je pense que non, ça veut dire non, ça. La marque du pluriel S en français, puis le AS en français, en latin aussi, c'est comme le pluriel d'un mot qui finit en UM. OK, le UM devient un AS, d'accord. Voilà. Donc, c'est comme un mix en deux langues qu'on veut pas. Ouais, c'était tirer un petit peu la sauce parce que ça, c'est on peut pas savoir ça à moins d'étudier le mot bien longtemps. C'est mettons que si je disais, ah non, c'est pas un bon exemple. Non, j'ai rien dit. C'est bon, parfait. C'est ça. Le huitième, c'est vraiment presque fini. Le pléonasme de degré, c'est le pléonasme des nains, ça. Hey! C'est les nains! Yay! Donc, tu fais une gradation avec. Sur l'échelle de 1. C'est un beau mot. Hein, pas peu? Ouais. Myriam, il ramasse des points pour son équipe. Ah ouais, on mène. Parce que on mène en ce moment. J'ai voulu faire la paix, il a pas voulu. Bon, donc c'est... C'est une gradation. C'est ça, c'est une gradation. Parce que dans le fond, un nain, c'est déjà une personne dont la taille est inférieure à la moyenne. Si on dit un petit nain, on se dit « bouh », ça marche pas. Mais... on dit « bouh », c'est ça qu'elle dit. On dit « bouh », ça marche pas. Mais oui, ça peut fonctionner si on... On fait une gradation. Mettons que c'est un peu tiré par les cheveux. S'il y en a plusieurs... T'sais, il peut y avoir des grands nains. Oui, ben c'est ça, exactement. Les moyens nains. Les c'est des personnes qui sont à peine en dessous de la moyenne, t'sais, que c'est comme ça paraît pas. Pis t'sais, Non, mais un nain, ça a vraiment une grandeur spécifique. Faut oui, ils ont vraiment une taille. Je sais pas en c'est bas quoi. De 4 pieds 10, quelque chose du genre. Hein. Non, c'est non, pas non ça... arrête 4 pieds 10, c'est quand même grand. Là. Ouais, c'est pas grand, mais c'est petit pour une personne. Mais je crois que médicalement, je crois que c'est proche d'eux, non? Ben non, les nains, c'est bien dans le dessus. Ben non, pas bien, wow. Pas tant que ça. T'as peur, oui. Ah non. François, vous nous chercher. Bon, on pensait que la chronique était longue, mais là, on va aller faire des recherches sur les nains, fait que ça va durer trois fois plus longtemps. Était longue, je suis en train de vous éduquer. Et pas long, mais. Je veux dire. Bon, OK, le dernier. dernier, pléonasme de restriction. OK, là, je ne comprends pas de prime abord, là. Est-ce qu'on dit après ma barre ou de prime abord? Après ma barre. D'accord, vas-y. Donc, c'est lorsque. En fait, ce pléonasme-là touche un mot lorsque ce mot a plusieurs sens. C'est ça. Donc, le mot qui va comme causer le pléonasme, dans le fond, va toucher à seulement un sens du mot polysémique. Polysémique qui veut dire qu'il y a plusieurs sens. OK. Je vais vous donner un exemple parce que c'est pas super clair juste comme ça. Pas vraiment. Là, attention, mon café, toi. Myriam. Donc, renverse pas son café. C'est une stratégie d'équipe. Lorsqu'on... Je te rappelle que ton téléphone et ton ordinateur proche. Du café là-dedans, on n'aime pas ça. Là, ta marouette, sérieux, arrête d'écœurer ma collègue. Oh. Je veux pas que les gens pensent qu'on s'aime pas pour rire. Oui, mais ça, c'est un petit peu trop tard pour ça, j'espère. Parfait. Donc, c'est lorsqu'on dit, par exemple, un enfant seul et unique. Seul et unique. Si on prend le mot unique dans son sens quantitatif, ça veut dire seul. C'est seul à être. Donc, dans ce cas-là, c'est fautif, on dit pas ça. Mais si on veut dire qu'il est unique dans le sens de il est donc bien merveilleux, il est. il est bien intelligent, tout ça. Il est vraiment remarquable, supérieur, etc. Mais quand en même temps, on parle de Myriam, c'est ça. Quand on parle de Myriam, effectivement, ça, c'est vrai. Mais quand on parle de chaque personne, en fait, chaque personne est unique. Oui. Et toutes plus spéciales les unes que les autres. C'est ça. Ouais, merci. On est tous uniques. C'est beau. OK. Un autre exemple. Si je prends le mot balbutiement, okay. Je dis, mettons, cette entreprise en est... Oh, un front de sourcil ici. Si je dis cette entreprise en est à ses premiers balbutiements, le mot balbutiement veut comme dire commencement, début. Fait qu'on évite, ça fonctionne pas parce qu'on premier, début, c'est... Non. OK. Hein? Bouh. On dit pas ça. Bouh. Bouh. Chou. Si on dit, par exemple, ce bébé en est à ses premiers balbutiements, si on prend le sens premier du mot balbutiement, c'est articulé d'une manière hésitante. Donc, ça fonctionne. C'est pas tout le temps fautif. Mais ça, c'est comme la catégorie la plus difficile à... Ouais, à appliquer. C'est ça. J'ai fini. Hey! J'ai fini. Mais c'était bon. C'était bon comme premier. Des pros en pléonasme. Oui, on va pas retenir les noms nécessairement de chacun de ces pléonasmes-là ou dans quelle catégorie ils vont, mais on va savoir comment ne pas les faire. Tu commandes un petit? Voilà. Voilà. Oui. Merci, Jasmine. Ça fait plaisir. Merci. Bonsoir. Hey, en fait, là, un an, c'est 4 pieds 6 en bas de ça. Ah, OK. C'est 4 pieds 10 quand même grand. 6. Là. 6. 6. Est-ce qu'ils disent un âge, mettons? Non. Parce que, tu sais, un bébé, il peut pas mesurer. Ouais, mais là, ça doit être. Non, mais ça doit être à taille adulte. C'est ça. OK. Taille finale, là, tu sais, là. Quand t'arrêtes de grandir. OK, t'arrêtes. Hey, semi-merci. Ou semerci. Semerci. Semi de rien. Non, mais de rien au complet. Ouais. Ça m'a fait plaisir au complet, moi. T'es tellement adulte. Et de taille en haut de la moyenne. Normal. Non, parce que là, anormal, ça voudrait dire que, tu sais, nain, c'est anormal. C'est pas anormal. Ah, c'est juste ouais. Différent. On les aime. Oui. Mais oui, on les aime. L'enfant Boyard, il était cool, là. Ah, ben, hein. Trois. Ouais, y a personne qui fait ça trois de même, mais c'est parce que sûrement ça l'aimait avec le pouce. Non, il faisait ça comme ça. Ça, comme ça. Mais faut faire ça pour vrai. Mais non. Avec le pouce. Là, on fait des mimes, personne comprend. T'sais. Restez avec nous, ce guide de l'utilisateur d'assemblage requis revient tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François-Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'assemblage requis mettant en vedette nos chroniqueuses féminines. Je viens vous parler du livre Le Parfum, écrit par l'écrivain allemand Patrick Soskind. Et c'est ce livre-là, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que il est paru en 1986. Il a été traduit en 45 langues et vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. C'est un succès, tu sais, quand même. Hein? Assez best-seller mondial, on peut dire ça comme ça. Et il y a eu une adaptation filmique en 2006, donc le film du livre. Ce qui s'appelle aussi Le Parfum? Oui, Le Parfum, Histoire de meurtrier. Ah, OK. Mais attention, c'est très difficile de le trouver. Je sais qu'il est à... On peut le trouver à Trois-Rivières. Mais par contre... Peut-être, au Colimaçon, absolument. Et par contre... J'aurais bien dit l'adresse, mais je la connais pas par cœur. C'est sur la rue Notre-Dame? Au coin du Bravo. Exactement. Bon, pas au coin du Bravo. Non, pas goût. Non. Pas là? Non. Non. L'autre coin. Ben, pas loin du Nord-Ouest. Là. Non, oui, exactement. C'est sur la même rue que le Nord-Ouest. C'est ça. Ouais. Et donc, il y a moyen de le trouver à Trois-Rivières. Par contre, il est discontinué. Donc, il n'y en a plus dans les magasins. Et je crois qu'il n'est pas traduit en langue française. C'est des sous-titres. Mais okay. Bon, ça se fait très le bien. Le film, le livre, il n'y a pas de sous-titres, par contre. Non, le film. Okay. C'est le film comme le colimaçon. Oui, oui. Donc, je vais enchaîner un petit peu avec ce qui se passe dans ce livre-là. En fait, pour vous mettre en situation, oui, ça a été écrit en 1986, sauf que ça porte sur le 18e siècle en France. OK. Donc, ça se passe à Paris, au 18e siècle. Le personnage principal s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Et c'est... Grenouille? Non, mais oui. J'avais entendu le nom poisson, il me faisait déjà rire, mais le nom grenouille... Hey, des blagues de même, fais attention avec Mathieu, là. Mais non, c'est pas une blague, c'est son vrai nom. Mais en même temps, ça fait penser à... Oh, grenouille! Oh! Tu sais, le genre d'insulte au français, le frog, là, ou quelque chose comme ça. Donc, j'imagine que ça a absolument un lien avec ça. Donc, Jean-Baptiste Grenouille, qui est un orphelin... Okay, il commence avec toi. Ouais. Attention. Attends. Qui est un orphelin... dès sa naissance, il y a un sens particulier qui fait de lui un être spécial, c'est que son nez est surdéveloppé. Okay. Et quand je dis surdéveloppé, attention, il peut sentir à travers les objets, à travers les murs, à plus de 5-6 km de distance. Oh, c'est pas plaisant, ça. Il connaît toutes les odeurs. Il dit lui-même qu'il a le meilleur nez de Paris, le meilleur nez de la planète. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un nez qui est très fin et qui développe tout au long du livre. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il est né orphelin et la première découverte du monde se fait par son nez. Et bon, c'est, sa mère le laissait mort-né et lui a décidé de survivre. Alors, comme sa mère a voulu le laisser pour mort, la mère se fait exécuter. Et bon, Jean-Baptiste se retrouve à être transporté de chez la nourrice vers l'orphelinat, de l'orphelinat vers la tannerie, de la tannerie vers... il est vendu à un parfumier parce que... Lui-même, Jean-Baptiste Grenouille, a voulu montrer son talent au parfumier. Le parfumier s'est dit « Je peux pas passer à côté de cette occasion-là. » Donc, il se fait un peu trimballer un peu partout. Et à partir du parfumier, il décide, à un certain moment donné, il sent l'odeur d'une jeune fille. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il veut décider... Ouais. Ça, c'est François qui sniffe dans son micro, pour ceux qui se demandent. Je fais des effets sonores. À partir de ce moment-là, il décide qu'il veut créer un parfum divin à partir de l'essence de jeune fille. Donc, il veut trouver un moyen d'aller chercher leur odeur, leur essence, un peu de la même manière qu'une fleur. Ça ne doit pas être facile. Non. Mais de là, le petit côté haine. Oh. Parce que pour arriver à ça, le titre, c'est « Le parfum, histoire d'un meurtrier ». Donc, il va tuer des jeunes filles pour arriver à aller chercher leur odeur. Donc, c'est en gros l'histoire du livre. Et c'est vraiment... Okay. C'est très, très bon. Tu sais, je dis ça comme ça, tu fais « Oh, mon Dieu, ça a l'air dur. » Oui, c'est ça. Mais non, c'est pas vrai parce que c'est teinté d'humour. Tué. Non, parce que lui, il fait pas ça nécessairement méchamment. Ouais, il fait ça pour avoir l'odeur. Parce qu'il veut l'odeur. Puis c'est un personnage qui arrive pas à faire la... Il comprend pas les concepts abstraits. Parce que son apprentissage du langage passe par l'odeur. Mmh. Donc, l'idée de justice, ça n'a pas d'odeur. Donc, il peut pas savoir c'est quoi. Donc, c'est ce qui fait que lui, oui, il tue, mais je sais pas s'il en a vraiment conscience. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est récupérer leur essence. Donc, c'est un personnage qui est pas capable de... Il y a pas de sympathie, il y a pas... D'ailleurs, il n'est pas capable d'aimer et d'être aimé parce que les gens ne sont pas capables de le sentir. Je vais dire ça comme ça parce que lui-même n'a pas d'odeur. Mm-hmm. Donc, les gens trouvent ça complètement bizarre dans un monde où tout le monde sent très fort. Parce qu'on s'entend, c'est au 18e siècle. Ouais, le monde se l'a donc, le portrait du 18e siècle passe beaucoup, beaucoup par les odeurs. Et c'est ce qui est le fun parce que, tu sais, de nos jours, du Febreze, il y en a partout. Oui. Puis des petites plugs pour que ça sente la vanille dans la maison, etc. Et dès que quelqu'un sent quelque chose, oh mon Dieu, il est sale. Donc, tu sais, on s'entend que de nos jours, tout est porté sur la propreté. Mm-hmm. Et dans le livre, c'est complètement l'inverse. Parce que le 18e siècle, on s'entend qu'il n'y a pas de Febreze. Non, t'as pas de Purell sur le bord de la porte. Il n'y a pas de Purell sur le bord de la porte. Et les gens ne se lavent pas beaucoup. Ouais. Donc, les rues puent, les gens puent, tout le monde. Je suis sûr que pue. Les poignées de la toilette ici datent à peu près de cette année-là. Puis je pense que ça peut laver depuis. Je crois. Moi, je me trompe. Tu pourrais mettre du petit Purell dessus, Mathieu. C'est ça, oui. Et donc, c'est vraiment... il nous présente un monde qui est complètement tout sauf aseptisé et très puant. Et, bon, le livre est porté sur les odeurs, sur le parfum. Et c'est à travers ce sens-là, du moins, que l'auteur essaie de nous faire sentir. Parce que c'est un livre, on peut pas sentir l'odeur en lisant le livre. Mais c'est ça, est-ce que l'odeur aurait pu être sur le livre? Tu sais, dans le sens que... Non? Tu veux pas que ce soit sur le livre? Non, tu as une sniff, toi. Non, mais en même temps. T'aurais voulu gratter comme un petit parfum pour sentir? Non, mais je sais pas. En fait, là, je suis sûr qu'il y aurait une façon que ton livre sente. Et puis, ben, tu Marie-Pierre, mets son odeur dessus, tu vas sentir super bon. Ben, hein? On se calme. Oups. elle était là, je l'ai pas vue. Mais non, mais oui, ça serait. Mettre un genre d'odorama sur le livre, ça serait une expérience d'une vie. Là, parce qu'à l'intérieur, il décrit tellement d'odeurs différentes, dégoûtantes, de ce genre de choses que tu ne peux pas sentir. Des odeurs aussi qui sentent bonnes. Oui, des odeurs qui sentent bonnes, mais qui en même temps sont très difficiles à décrire parce que ça sent quoi l'odeur d'une jeune fille? Ça sent quoi l'odeur d'un bébé? Ça, c'est difficile à mettre en mots. Et donc, l'auteur, il fait quand même bien ça pour réussir à mettre en mots des odeurs. Tu peux pas sentir une odeur juste en lisant. Tu peux pas la ressentir parce que nécessairement, pour sentir quelque chose, il faut que tu utilises ton nez. T'sais, c'est niaiseux comme ça, mais c'est vraiment ça. Et donc, l'auteur, il arrive vraiment à le faire, et c'est souvent en exagérant. Donc, par exemple, il va décrire Paris. Tantôt, je vais vous en lire un extrait, vous allez tout comprendre. Il va décrire Paris, mais au lieu de juste le décrire, il va utiliser, par exemple, des mots avec des adjectifs qui sont dégoûtants. Il va en mettre, il va faire des énumérations pour que... Bon, OK, il en nomme 2-3. Ah, oh, ouais, ça doit puer, tu sais. Puis là, il en nomme genre 40. Tu fais, OK, là, ça pue, là. Tu sais, fait que c'est par l'exagération, par des adjectifs un peu dégoûtants qui arrivent à nous faire sentir ça. On va peut-être s'imaginer les pieds de Mathieu Plante. Ah! Non, c'est pire que les pieds de Mathieu Plante. Ah! Quoi? Ah oui. Attends, j'ai un extrait pour vous, justement. Okay. C'est l'ouverture du livre. C'est dès la première page. À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes gunsums. Les rues puent le fumier, les arrières-cours puent l'urine, les cages d'escalier puent le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton, les pièces d'habitation mal aérées puent la poussière enfermée, les chambres à coucher puent les draps graisseux, les courtes pointes moites et le remugle âcre des pots de chambre. Les cheminées crachent une puanteur de soufre, les tanneries une puanteur de leur bain corrosif et les abattoirs la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés, leur bouche puait les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d'oignon et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon, tout comme l'épouse de son maître artisan. La noblesse puait du haut jusqu'en bas, et le roi lui-même puait. Il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver. Car en ce 18e siècle, l'activité délétère des bactéries ne rencontrait aucune limite. Aussi n'y avait-il aucune activité humaine, qu'elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien de son déclin, qui ne fût accompagnée de puanteur. Donc, une voilà. Une vieille chèvre. C'est ouais. Cruel. C'est cruel, toi. On s'entend que, tu sais, c'est un peu une chose qu'on a oubliée parce que, bon, le parfum, ça reste pas dans le temps. Mm-hmm. Et il nous remet ça en plein visage. En tout cas, là, ça va rester là. Et bon appétit, les requins, tu sais. Non, parce que je vais décrire quelque chose qui sent bon. Ah, tu fais bien. T'es content? Oui. OK. Ça va compenser un peu. Donc, à partir de là, pour ce qui est des odeurs qui puent, on voit ça. Puis pour ce qui est des odeurs qui sentent bon, qui est d'ailleurs encore, j'imagine, encore plus difficile à décrire, parce que comment décrire l'odeur d'un parfum alors que tu sens le parfum, tu trouves que ça sent bon, mais encore, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Mmh. Comment c'est agencé? C'est quoi l'effet que ça nous fait? C'est très difficile. Et j'ai d'ailleurs un autre petit extrait pour ce qui est de ce qui sent bon. Mmh. Et ça passe souvent par les sens, parce que pour arriver à décrire une odeur, il passe par l'ouïe, il passe par le toucher, il passe par le goût, si possible. Il passe par la vue, évidemment, parce que tu peux pas passer à côté de ça. C'est par les images qu'on arrive à s'imaginer un minimum ce que ça peut sentir. Donc, j'ai un petit extrait pour vous. C'est le maître parfumier, Baldini, il s'appelle comme ça. Et Grenouille va chez lui pour... apprendre les rudiments du métier de parfumier. Et il fabrique un parfum, et c'est ce que Baldini en pense. Le parfum était si divinement bon que Baldini en eut immédiatement les larmes aux yeux. Il n'avait pas besoin de faire un essai dans les règles. Il se tenait juste debout devant la table de travail où était la bouteille à mélanger, et il respirait. Le parfum était magnifique. Comparé à Amour et Psyché, c'était comme une symphonie comparée au crin-crin et celui d'un violon. C'était davantage encore. Baldini ferma les yeux et vit monter en lui les souvenirs les plus sublimes. Il se vit, jeune homme, traverser le soir les jardins de Naples. Il se vit dans les bras d'une femme aux boucles noires et vit la silhouette d'un bouquet de roses sur le rebord de la fenêtre, par où soufflait une brise nocturne. Il entendit des chants d'oiseaux qui se faisaient écho et la musique lointaine d'une taverne du port. Il entendit un chuchotement à son oreille. Il entendit un « je t'aime » et sentit la volupté lui hérisser le poil, là, maintenant, à cet instant même. Il ouvrit brusquement les yeux et poussa un grand soupir de plaisir. Ce parfum n'était pas un parfum comme on en connaissait jusque-là. Ce n'était pas un parfum qui vous donne une meilleure odeur, pas un sambon, pas un produit de toilette. C'était une chose entièrement nouvelle, capable de créer par elle-même tout un univers luxuriant et enchanté. Et l'on oubliait d'un coup tout ce que le monde alentour avait de dégoûtant. Et l'on se sentait si riche, si bien, si libre, si bon. Donc, voilà pour ce qui est des odeurs agréables. Mmh. Parce qu'il y en a aussi à l'intérieur. Oui. Et au-delà de l'idée de présenter l'odorat, d'exploiter ce sens-là, il y a toute la société du 18e siècle qui est présentée dans le livre. L'idée... À l'époque, c'était très difficile. Bon, il y avait des exécutions, des mises à mort. Et ça, c'est très présent. Et dans le livre, il semble facile de mettre quelqu'un à mort. Donc, la personne n'est pas nécessairement traînée en cour. C'est un passage qui se fait plus rapidement. Et il y a également l'idée d'une société qui évolue. Parce que, bon, le 18e siècle, c'est le siècle des Lumières. Donc, la pensée évolue, se transforme. Et ça, on peut le voir, d'ailleurs, quand le parfumier Baldini, qui a appris son métier dans la ville du parfum, qui a appris comment ça se faisait, comment on extrait les choses. Il connaît tout du métier de parfumier. Et arrivent des nouveaux, des petits jeunes, on va dire ça comme ça, qui, eux, n'ont pas vraiment appris le parfum. Le métier de parfumier, mais arrivent quand même à faire des parfums et qui se vendent, là. Ils deviennent riches tout d'un coup et là, ils en font un à chaque nouveau mois. Et les anciens, qui créent de réels bons parfums, n'arrivent pas à suivre parce que l'autre en lance un à toutes les saisons et là, tout Paris va chercher ce parfum-là. Alors que les réels parfumiers, ben, ils font leur métier, ils font du mieux qu'ils peuvent, ils sortent un parfum une fois de temps en temps, mais qui est un bon parfum. Donc, il y a un peu l'idée de transformation, d'avancement de la société et dont c'est pas tout le monde qui est d'accord et ça va pas pour tout le monde non plus. Puis il y a également aussi l'idée à un certain moment Jean-Baptiste Grenouille s'en va s'isoler dans une grotte, s'isoler de toutes les odeurs de la planète parce qu'il dit que c'est une grotte dans laquelle aucun humain a été. Donc lui il sent bien parce que... Non, parce que c'est une grotte, donc c'est juste seulement l'odeur de la pierre, seulement l'odeur de la nature autour. Et lui, il sent pas aucun humain. Il est tellement loin du monde qu'il n'y a pas un humain autour. Et lui, ça lui repose l'essence parce que depuis qu'il est né, il sent. Donc là, il s'installe dans une grotte pendant 7 ans. Hein? Pas rien. Et il repose son odorat, il repose son nez. Donc après ça, il décide de s'en aller, de retourner voir la civilisation. Donc plus le choix. Et il rencontre un homme qui fait des expériences. L'homme essaye d'inventer une manière de guérir une certaine maladie. Bon, c'est un truc un peu impossible. Il essaie de guérir la maladie. Et là, il voit Jean-Baptiste Grenouille arriver, la barbe super longue, les cheveux super longs, mal propre. Bon, ça fait 7 ans qu'il est là-bas, tout maigre. Et là, il dit, ah oui, moi, je vais faire mon expérience sur lui. Je vais montrer à tout le monde, à toute la cour, à tous les bourgeois, que moi, je suis capable de guérir par mon invention. T'sais. Fait que là, il prend Jean-Baptiste Grenouille, il l'installe dans une genre de chambre dans laquelle il y a de l'air qui est lancé sur lui. Bon, tu vois que c'est un peu n'importe quoi, là, parce que c'est une maladie que bon, tu n'entends jamais parler, puis c'est une manière de guérir qui n'existe plus. T'sais. Mm-hmm. Donc, tu vois que c'est un peu n'importe quoi. Et bon, il fait manger aussi parce qu'il n'avait pas beaucoup mangé depuis longtemps. Il fait manger, donc il redevient un peu normal. Et bon, il coupe les cheveux, il rase la barbe, il met beau. Et il dit, voilà, il dit à tout le monde, j'ai réussi à le rendre plus vivant, moins malade. Voilà. Mais tu sais, dans le fond, tout ce qui a changé sur lui, c'est qu'il s'est fait couper les cheveux, il a mangé, puis il s'est fait raser la barbe. Puis il y a des vêtements propres. Donc, c'est à travers tout ça qu'on voit que la société est en avancement. Et ce qui est proposé, c'est pas toujours... on est encore à une époque où la médecine, c'était très basique. Et, donc, c'est super intéressant de voir ça à travers le livre. Il y a toujours des clins d'œil un peu comme ça, que tu te dis, voyons, tout c'est au ridicule. Long de livre. Ouais. Donc, c'est vraiment un très, très bon livre. Et d'ailleurs, je vous propose aussi le film qui est paru en 2006. Donc, en anglais, c'est The Perfume, History of a Murderer, facilement trouvable. Et je vous le propose. Tu as vu le film? Ah oui, parce que, ben en fait, je vous parle du parfum aujourd'hui, mais je l'ai analysé dans un de mes cours. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir vous en parler en même temps, puis j'ai analysé le film aussi. Okay. Fait que, qu'est-ce qui est le meilleur? On commence par quoi? Est-ce que commencez par le livre, parce que c'est toujours plus agréable. Moi, je commence toujours par le livre. Mais des fois, ça te défait. Tu sais, une fois que tu vois le film, ça vient... Le film est décevant parce qu'il manque plein de boue. Ouais, c'est ça. Tu fais des images dans ta tête, non? Non, le film est vraiment tout sauf décevant. Ah. Selon moi, là, il y en a qui ont dit, bon, c'est juste réduit à l'histoire du tueur. Mm-hmm. C'est un peu réduit. L'intrigue est moins bonne. Mais en fait, faut juste s'imaginer la chose comme... c'est pas la même chose. C'est un livre et c'est un film, donc ça peut pas être identique. Non. Parce que tu peux pas faire 280 pages. Sinon, ça durerait combien de temps? Donc? 280 minutes. C'est pas compliqué. Non, plus que ça. Mais sérieusement, fait que c'est un peu impossible de représenter ça. Donc, il faut se dire qu'un film et un livre, ce sera jamais la même chose. Mm-hmm. Fait qu'à partir du moment où tu acceptes ça, t'apprécies les deux, mais d'une manière différente. Ouais. Tu vois, moi, j'aurais pensé le contraire. J'aurais commencé par le film pour que le livre ait l'air d'un genre de bonus feature avec plus de matériel. Version allongée, director's cut. Ah, ben, tu pourrais. C'est pas mauvais, mais ouais. Les deux valent beaucoup ouais. La peine, sérieusement. D'accord. C'est une très, très bonne suggestion. Je trouve que ça a l'air très bon. Et puis, dans le temps des fêtes, là, ouais. Tout le monde a le temps de lire. Oui. Donc, voilà. Ben oui. Prenez, si vous ne déménagez livre, pas. Ça, c'est livre, vrai, par exemple. Le livre, ouais. il est vraiment bon. Donc, quelqu'un qui se dit, moi, aujourd'hui, j'ai le goût de lire, puis qui se prend le matin, ben, va peut-être le finir en deux jours. Là. Ouais. Donc, ça se lit super bien, c'est super agréable. Donc, c'est le même parfum. Même si c'est dégoûtant. Ouais. De Patrick, comment se prononce son nom? Soskind. Oui, donc, Soskind. Le parfum Histoire d'un meurtrier de Patrick Soskind. Wow, t'as les accords parfaits. Oui. Justine Renaud. Solo de bass. Qui travaille à trouver sa propre intro parce qu'elle aime pas celle que j'ai trouvée. Non, c'est pas que je l'aime pas, je l'adore. J'écoutais ça quand j'étais tout petite, quand j'avais trois pommes de haute, puis j'écoutais ça, no doubt. Oui, et ça t'avait autant de toupettes? Ben en fait, oui, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. What? What? What? T'avais-tu des migraines ou ça allait pas jusqu'à là? C'est quoi cette affaire? Ben moi, j'avais une amie des migraines. Ah oui, oui. Rapunzel avait des migraines à cause de ses cheveux. C'est que non, moi, j'avais une de ma meilleure amie quand elle était jeune, elle avait les cheveux tellement longs, ça lui faisait des migraines atroces. Ben voyons donc. Ça te faisait pas ça? Ah, ça mon tirait Dieu. Sur son cuir chevelu? Ouais. Ben c'est sûr que ça tirait sur mon cuir chevelu. Cuir chevelu? C'est cuir. Sur mon cuir chevelu, mais on s'entend que si tu t'attaches pas tes cheveux, t'as pas de problème. Hein? Bon? Hein? Parce qu'elle avait des vraiment grosses migraines. Mon Dieu, c'est intense. M'informais sur la santé de ta tête quand t'étais jeune, c'est tout. Non, là, je suis correct. Okay. Ben là, j'ai les cheveux quand même cool. Ouais. Hey, on n'est pas ici pour parler de mes cheveux. Non, on parle à des amis. Mais non. Hey, c'est une vraie émission de filles aujourd'hui. Girl power. Ben, cette semaine, les enfants, je vous ai choisi le groupe qui... le groupe hard qui m'a marqué, qui a marqué mon enfance. Arrête de répéter après moi. Non, mais c'est Hard puis Marquet. Hard puis Marquet. Le groupe, oui, The Smashing Pumpkins. Nul autre que le groupe de plein de monde bizarre, fucké, la tête rasée, des affaires de même avec des t-shirts zéro avec une étoile dessus. Tout ça a marqué les années 90 et m'ont donc marqué. Ah! Le groupe Smashing Pumpkins, le groupe, oui, le groupe, sans R. Ce sont des voyelles ou des consonnes aujourd'hui. M'excusera, je les ai toutes utilisées pendant mon oral à matin. T'avais un oral, ça m'y était? Il faut que, oui, donc, bon, ben oui. Mm-hmm. Bref, on n'en parlera pas, parce que sinon, je ne suis pas sortie du bois ou du boisé, ça dépend de l'ampleur l'endroit, du problème. L'endroit, oui, c'est ça. Donc, The Smashing Pumpkins, hein? Uh-huh. On revient à notre sujet, s'il vous plaît. Alors, groupe qui existe encore d'ailleurs, parce qu'on pensait là, qu'ils étaient séparés. Puis, ouais. Ils sont tous redevenus ensemble, c'est le fun, ça. Récemment ou? Non, pas récemment. Au début des années 2000. Ben, en fait, à l'an 2000, ils se sont séparés. Puis au début des années 2000, ils sont tous comme revenus ensemble. Puis ils ont commencé à faire d'autres albums. Là. Okay. Toutes celles qu'on n'entend pas d'ailleurs puis qui n'ont pas pogné non plus. Oh. Ben, leur période au sommet est terminée, je pense. La période au sommet est pas mal terminée. D'ailleurs, entre autres, parce que tous les membres du groupe qui étaient là avant n'y font plus partie. Ah. Il reste juste Billy Corgan... le fondateur original de The Smashing Pumpkins. Mm-hmm. Les autres membres originaux comme Jimmy Chamberlain, James Iha et Darcy Redsky, eux ne font pas partie. Des nouveaux Smashing Pumpkins. C'est si ça, on... les nouveaux Smashing Pumpkins ne comptent plus, ces anciens membres. Alors, tout ça pour vous dire qu'on ne parlera pas longtemps aujourd'hui des Smashing Pumpkins pour la simple et unique raison que ce sont déjà un groupe assez connu. D'habitude, char avec des groupes peut-être un petit peu plus underground, des Smashing Pumpkins, ce n'est que trop commercial. Ouais, les citrouilles, ça pousse où, ça, dans le sol? Là? Oui. Ouais. Ben, pas dans le sol, là. C'est pas comme des patates. Là. Sur le sol, mettons. Ben, sur le sol, c'est d'accord. Ça. D'accord. Alors, c'est ça. On va immédiatement aller écouter la chanson que j'ai choisie d'eux cette semaine. C'est une chanson de leur album Siamese Dream qui a beaucoup, beaucoup pogné. C'est leur deuxième album qui s'est immédiatement propulsé dans le top des Billboard Album Chart. C'est ça, là? Full anglophone. Full anglophone. Avec cette suite, on écoute donc Hummer de The Smashing Pumpkins. Et vous écoutez les tartines de Justine dans le corps des Palmarès C'est Fou sur 89.1 C'est Fou. Mmh. Mmh. Écoutez ça, le beau petit son. C'est vraiment le fun, cette chanson-là. We'll be right back. C'était Hummer, chanson de The Smashing Pumpkins, vieille chanson dans les années 90 de leur deuxième album Siamese Dream. The Smashing Pumpkins, groupe que j'adore pour mourir, le plus fucké du monde, mais. Hey, c'est bon, c'est électrisant ça. C'est comme un chat. Bon groupe hard. Oui. Je trouve là dans mes cordes à moi. Dans c'est comme un chat. Ben oui. Ouais, j'avoue. Bon. Alors c'est ça. C'était ça pour mes tartines de Justine cette semaine. C'était short and sweet. Vous m'excuserez, là. Je suis... Pas d'anecdotes de karaté, quelque chose? Oh, là, des anecdotes de karaté, ben... Ouais. Je me rappelle une fois. Là, je peux-tu dire son nom à la personne? Oui, oui, oui. Elle est peut-être connue. Ah, en tout cas, ben, sur le campus, c'est une étudiante à l'UQTR. Est-ce que je sais qui tu penses? Je sais pas. Je m'excuse, la personne en question, le Julie Barrière-Jean, qui étudie, je pense, en psycho, je sais pas quoi. Je connais pas. Non, vous connaissez pas? OK. Ben, cette fille-là, elle faisait du karaté avec moi quand j'étais toute petite. Puis une fois, elle vomit. Mais aujourd'hui, elle me bat et de loin. Je pense qu'elle est comme professeure de karaté, puis elle va aux, je sais pas quoi, des championnats nationaux au Canada, là, puis elle torche, là. Elle torche des fesses. She torches. Elle a gagné genre des médailles du gouverneur et toutes sortes d'affaires. Là, fait que, wow. Ben, félicitations. J'ai entendu que, hein, Julie Bayard-Jean, chapeau à toi. Ben oui, elle a grandi, la petite Julie. Ouais, c'est ça, mais elle se ressemble encore tellement, là. Ça n'a aucun bon sens. OK. Ben, c'était ça, mon anecdote de karaté, si tu donnes plate. Oui, ben, bonne chance pour ton examen test show c'est ce ça. Soir. C'est ça, un examen de karaté ce soir. Je grade le grade de Shodan, ceinture noire. Good! Yeah. Ça veut dire qu'elle est bonne, ça, c'est rendu là, j'imagine, c'est ça que tu me disais? Ben, c'est ça que je te disais. T'avais l'air d'avoir de l'expérience en karaté, c'est rendu ceinture noire, c'est que c'est le sommet de la gloire. C'est le sommet, la ceinture noire? Non, c'est pas le sommet, après ça, il y a 10 Dan. 10 quoi? Ah, ben là, 10 Dan. Dan? Ouais, comme des Daniel Bélanger. Oui, OK. Imagine-toi. Comme les cheveux avec ta main. Bon, mais en tout cas. On te souhaite bonne chance. Oui. Je vais sécher mes pleurs. Sèche tes pleurs. Avec ton toupette, ça va être facile de sécher tes pleurs. C'est ça. Ça absorbe bien. Je suis beaucoup, mais quand j'ai des cheveux, ça paraît pas pendant tout. Je reviens juste avec la couette toute mouillée. Wow, c'est super, ça. C'est super. Comme Rapunzel qui a des migraines à cause de ses longs cheveux. C'est ça? C'est ça. C'est des conneries. Oui! Bon. Faudrait que je m'en aille. OK, ben merci Justine. Ou ben, encore. Ça fait un plaisir. Merci. Ce qu'on mène les. Ce fufu, mes tartines. Là, matin, là, j'ai juste mangé une pause. J'étais tellement stressée pour mon oral. Là. C'est sur quoi ton oral? L'eugénisme et les trisomies. Fascinant. L'eugénisme qui est en fait la science qui préconise toute pratique visant à améliorer la composition génétique d'une population. Bref, Hitler était eugénique. Il essayait d'améliorer la race humaine en purifier. Mais tu sais, on s'entend-tu que l'eugénisme, c'est pas tout le temps bon? Lui, c'est comme mal pris pour arriver à ça. Je pense que c'est rarement bon. Ouais, c'est comme mal pris, hein, pas mal. Oui. Il y a eu les États-Unis d'Infest, pas mal, et toutes les autres. Là, moi, je connais pas. C'est qui, donc? Qui était contre qui, là? En tout cas, les Allies puis tout ça, là. On va deuxième guerre mondiale. Ouais. Je suis vraiment pas, j'en dis pas. Voilà qui complète ce guide de l'utilisateur d'assemblage requis, mettant en vedette nos chroniqueuses féminines. Merci à Stéphanie Gagné avec ton plat favori, Myriam Fugère avec sa chronique aléatoire, Jasmine Raymond-Dreville avec sa chronique linguistique, Marie-Pierre Lafonche-Bourret avec sa chronique littéraire, Justine Renaud avec les tartines de Justine et bien sûr, François-Olivier Marchand pour la co-animation. Les émissions spéciales continuent toute la semaine, soyez à l'écoute demain pour une émission consacrée à la chronique véridique, véritable et vérifiable, c'est un fait. Ne manquez pas le Dîner de cons qui vous présente un résumé des nouvelles insolites de l'année, ça se passe cette semaine entre 11h et 13h. Nous serons de retour en direct le lundi 9 janvier dès 7h. Passez une excellente journée sur nos ondes et à bientôt!